Et j'ai plein de fiches. Oh la Ouh là merde. là. Voilà. T'as pas Donc, envie de te faire prendre en défaut? regarde, regarde, je suis tout tremblant parce qu'on va se faire engueuler. J'ai écouté le centième. J'ai fait des fifiches, monsieur. J'ai peur de me faire engueuler. On va se faire mitrailler. Moi, ce que je propose, Olivier, à chaque fois qu'il fait, bon, les gars, faut corriger, on fait, oh, tu te calmes, tu te calmes. Ouais, parce que ça Non, va mais ça bien, va pas hein. arriver tant que ça. Ça suffit maintenant. Déjà, je crois que j'ai mis trop longtemps avant de dire que c'était Datomir. J'ai entendu. C'est vrai que honnêtement, j'étais là derrière, je lui dis, oh non, comment Datomir quoi? Allez les gars, allez. Et puis il a Non. dit donc ça va, mais Ouais, mais j'ai dit ça. quand j'écoutais le podcast, j'étais vraiment en mode, bon non, Datomir comment quoi? J'avoue, surtout que là, on va en parler de Datomir. Ah bah ouais, c'est clair que là. Donc voilà, j'ai fait des fiches. Voilà, donc j'ai pas les mêmes moyens qu'aimer ça, tu vois. Je suis encore au Bon. feuille, au format papier. Voilà. Moi, c'est parce que je n'écris plus sur papier depuis des années, moi, en fait. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais plus écrire sur du papier, c'est Est-ce que horrible. votre cagnotte Tipeee s'est fait justement pour récupérer de l'argent pour acheter des stylos et du papier? Bah écoute, on l'envisage, on l'envisage. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 23 de Marvelicious, épisode hors série sur cette dernière partie d'Ashoka où on va faire un débrief de l'épisode 5, 6, 7 et 8 avec mes deux compères et amis que je vais vous présenter maintenant. Voilà, on va commencer par le plus beau des Belges. C'est vrai en plus, tu es beau. C'est Je t'ai pas vu gentil. en vrai, je t'ai pas touché, C'est vrai mais qu'on ne s'est voilà. toujours pas vu en vrai. Pas vu, voilà. On se voit à travers la webcam, mais pas en vrai. Bonjour Anthony, parce que son vrai nom, c'est pas Tony, en fait. Si tu C'est dévoiles des Anthony. coulisses, là, je ne Ouais. sais pas Ça si. va? Ça va et toi? Ça Merci de va? m'avoir invité encore une fois. Son vient qui veut, en Oui, fait. c'est ça en Donc, fait. du coup, voilà. À la base, j'étais tout seul avec Mika, et puis après, j'ai fait un groupe, et puis les gens qui veulent venir, ils Bon, au viennent. final, c'est sympa hein, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est parfait. Moi, j'aime bien. Ça Ouais. va aimer ça? Oui, ça va très bien. 101 épisodes là qui se sont passés. Ça fait vieux ça. Moi Ça j'ai fait vieux. commencé, je vous ai commencé. Enfin moi je t'ai connu quand tu faisais 10 actus. Mais Ah ouais, ça date, je me rappelle, j'avais encore des cheveux à l'époque, j'avais une crinière et ouais. tout. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Non, ça Oui, 10 actus ça date, ouais. Bah du Ah coup ouais, j'avais parce que commencé ça, 17, puis je crois après que t'es parti c'était avec Olivier. ouais, 2017, je crois. Oui, bah, Je non, pense, hein. 2016. 2016? Ça fait Je sais tellement longtemps. plus. Ça fait Bon. tellement longtemps. En tout cas, merci d'être de retour Bah, avec parmi nous. grand plaisir. Voilà, Je peux rien parler à de voir Star avec les Wars, du coup, chats. ça m'arrange. Ah, bah, de toute façon, il n'y a que ici que tu peux. Ce que j'ai vu, C'est hein. vrai. J'ai aimé ça, t'es bridé. Alors, depuis qu'il y a Olivier, c'est un peu, la parole se libère, On hein, a le t'es droit de plus parler un peu obligé. plus de Star Wars. Ouais, un peu plus, Ça on commence sent à aller bien. mieux. T'es quand même bridé, je trouve. Hein, t'es quand même bien bridé. Voilà, donc, Olivier, si tu m'entends, arrête de brider. Arrête de brider mon ami Tony. Il a besoin de parler Star Wars. On sent l'envie. On sent l'envie à chaque fois. Et on a le plus beau. Olive, bonjour. Alors, ça boogie, quoi. Bonjour. Ça boogie Wonderland. Alors, Tony, en fait, maintenant, ça va être le générique à chaque fois que je présente Olivier. Ça va être boogie Wonderland à chaque fois. Voilà. Ça me semble pas mal, hein. Ouais, Ça c'est pas mal. franchement, ça te correspond C'est bien. pas mal, hein. Il Ouais. pourrait y avoir pire, hein, comme Oui. je m'en sors plutôt pas Pierre, mal. prochaine fois, je mets Pierre Perret. Voilà. Tout, vous Ça va être serez tout. super. C'est ça, tout, tout, tout. Bon, les gars, on va parler sérieux là. Hein, parce Oui. que là, franchement, là, il faut parler sérieux. Parce que Ashoka, alors, Ashoka, qui est la dernière série Star Wars du moment, d'ailleurs, c'est la seule, parce que voilà. La prochaine, c'est Maman, c'est quoi Skeleton la prochaine Crew, là Skeleton Crew, Skeleton Crew, fin d'année en théorie, mais plutôt risque d'être reporté à 2024 d'après les rumeurs. De toute façon, ils reportent tout là. Marvel, ça reporte. Tout est reporté. Ouais. Ah, ça nous empêche de faire notre boulot après aussi. Hein. Nous, on est censé parler des trucs et on n'y arrive pas. Mais t'inquiète pas, il y a toujours. Juste pour t'informer, j'ai bah, mon pote Mathieu, qu'on a parlé en off, il m'a dit qu'il y avait un jeu de cartes Star Wars. Oui, Star Wars Unlimited, je pense. Donc il m'a dit qu'il allait avoir un jeu de cartes Star Wars. Je ne savais même pas qu'ils allaient faire un jeu de cartes. Mais voilà. C'est un trading card game, donc un peu à la Lorcana ou à la Magic. Oui, mais il m'a expliqué que les règles vont être plus compliquées quand même. Ouais, ça va être. Lorcana, c'est vraiment à destination à partir de 8 ans. Donc, mais après, ça va être un truc un peu plus complexe. Mais c'est pas le premier trading card game qu'ils ont fait sur Star Wars. Il y en a déjà eu un il y a très longtemps quand j'étais ado, qui a pas très bien marché. Donc là, j'espère pour eux que ça marche. Ils ont fait un Carcassonne version. C'est vrai. Et l'autre fois, chez le marchand de jeux de société, j'ai vu qu'il y avait même un Villainous Star Wars. Je l'ai pas encore acheté d'ailleurs. Ah bon ? Je savais pas. Si, il y a un Marvel et un Star Wars, Par pur hasard. Parce que des fois, j'achète les cartouches là, supplémentaires, les extensions. Et là, je vois, un Villainous Star Wars. Bon, j'ai pas regardé, donc, j'ai juste vu, mais j'ai pas regardé de manière plus importante. Mais bref, on s'éloigne un peu. Nous allons faire, les gars, l'épisode. Un par un, 5, 6, 7, 8, on peut spoiler à mort. On va faire comme on a fait pour les 4 premiers épisodes avec Olivier, c'est-à-dire qu'on va parler de certains personnages, bon, plus les nouveaux, parce qu'on a déjà parlé des anciens. Bien sûr, on compte sur toi, Tony, pour nous corriger. Voilà, c'est... J'aime vous corriger. Ouais, tu aimes nous corriger. Et nous, on aime se faire corriger. Voilà, on aime ça va encore partir en cacahuète, cette histoire. Voilà. Mais en tout cas, on va faire l'épisode un par un, et j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce round. Voilà, vraiment hâte. Voilà, et surtout que on va faire après un bilan avec peut-être un peu de théorie pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, bon, c'est très sympathique, ça, le théorie. La théorie, oui, c'est pas génial. Si ça passe, ça passe. Ouais. Bah, le mélange doit être dégueu quand même. Oui, ça doit pas être fou. Ça doit être pas ouf quand même. Voilà. Alors, revenons à nos moutons de Padurge, comme on dit. On va commencer directement, les amis, par l'épisode 5. Alors, le fameux épisode 5, on s'est arrêté à l'épisode 4 où Ahsoka. Oui, c'est Ahsoka, on dit pas Ahsoka. C'est Ahsoka. C'est Ahsoka. Parce que le H, c'est l'épisode avant l'épisode 6, non, c'est ça? Ah bah voilà. Et après l'épisode 4, merci. C'est ça, oui. On est dans la continuité de la vanne. Comique de répétition. Voilà, mais ça, c'est bien le comique de répétition. Voilà. Alors, épisode 5 où Ahsoka. Se réveille dans le monde d'entre deux mondes. On peut dire qu'on peut l'appeler comme ça ou pas, Tony, avant que je me fasse punir. Oui, c'est le monde entre les mondes. C'est comme ça qu'il s'appelait. Putain, j'ai stressé. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelait dans Rebels. Mais je crois qu'ils l'appellent pas exactement de la même manière ici. Mais je sais plus trop. Enfin, je suis pas sûr qu'ils en parlent dans la série en fait. Mais en tout cas, c'est le monde entre les mondes. Elle revoit son master. Ouais. J'allais dire Obi-Wan Kenobi, mais c'est pas plus. Oh ouais, non, mais attends, non, mais moi je veux. Non, mais attends. Autant d'Atomir. Il est tard. Non. Jar Jar Binks, c'est pas ça? Voilà. Non, c'est Maître Yoda. Voilà. Presque. Il est un peu plus grand et un peu moins vert. Ouais, c'est ça. Anakin Skywalker. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plaisir, les gars? Je vous commence par Tony, de retrouver Anakin Skywalker. Ouais, franchement, oui, parce que en fait, le truc, c'est un peu le truc classique hein, dans Star Wars, c'est que tu te fais bâcher énormément parce que t'es un acteur qui a pas forcément été bien dirigé, etc. Bon, c'est ce qui s'est passé dans la prélogie. Il s'est fait éclater à ce moment-là, et puis là maintenant, il revient un peu avec des lettres de noblesse, en tout cas de revoir l'acteur et revoir le personnage. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir et de le revoir un peu plus que juste par des flashbacks comme ça, de vraiment le qu'il ait un nouveau rôle comme ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, oui. Et Olivier, toi ? Moi, sans plus, comme on l'avait revu dans Obi-Wan, j'ai pas trouvé ça... en même temps, ils sont liés depuis longtemps, surtout à travers les Clone Wars, etc. Donc, ça fait plaisir, mais j'ai pas trouvé ça... J'aurais préféré le voir peut-être plus en Vador, un peu plus que ce qu'ils ont évoqué, enfin... Oh, c'était pas mal. C'était bien, mais c'était pas exceptionnel. On s'y attendait depuis le début, quoi. Donc, oui. Oui. Oui. C'était pas surprenant. Voir Rex, on s'y attendait, en fait. Mais non, ouais, c'est vrai qu'au final, la scène était bien. Elle était bien. Après, c'est pas exceptionnel que cet acteur revienne. Il n'est pas non plus super bon qu'ils veulent. Et justement, juste derrière, il y avait une scène qui était plutôt pas mal où on remontait. Alors, je pense que c'était dans les souvenirs de Ahsoka. Où on remontait dans le temps, en fait, à l'époque où elle était toute petite, d'ailleurs on la voit petite, et elle grandit, etc. Et c'est la même actrice qui jouait Gamora petite dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai, Dans Avengers. Ah oui, c'est dans Avengers, oui. Oui. Dans Thanos, là. Ah, c'est juste, c'est dans Avengers. Et qu'on verra peut-être, ça se trouve, dans un film peut-être. Marvel, on sait pas, ou un film Star Wars 15 ans plus tard, on sera vieux, mais peut-être que voilà. Donc... Vous avez aimé cette scène-là ou pas? Cette scène où justement elle est avec son maître et que voilà, on la revoit ado, jeune, etc. J'ai bien aimé de revoir la guerre des clones en live action, je trouvais ça pas mal. Par contre, en mode brouillard de guerre partout, c'était un peu facile quoi. C'est sûr. Brouillard tout le temps. En même temps, ça le fait, je trouve. Oui, ça le fait. En fait, ça marche bien parce que c'est vraiment un truc onirique, etc. Mais j'aurais peut-être préféré voir, je sais pas, un petit droïde passer par là qui se faisait désinguer, un truc un peu plus. C'est étonnant, d'autant plus que le reste de la série est excellent en effets spéciaux. J'aurais pu rajouter 2-3 trucs, effectivement, sans forcément faire des décors coûteux, mais comme dit Tony, rajouter. Je sais pas, des droïdes ou... Enfin, je sais pas, quelque chose. Ouais, c'est vrai que ça faisait un peu vide sur le fond. Moi, j'avais plus... C'est peut-être bête, ce que je veux dire. Mais toute cette scène-là, entre le moment où elle arrive avec Anakin Skywalker, le fait qu'on la revoit quand elle était jeune et qu'elle se faisait former, Anakin qui est méchant, puis à la fin, elle finit dans la flotte, ça m'a fait penser à une sorte de cérémonie religieuse. Genre, il y a un baptême à la fin, genre, c'est bon, je te bénis, je te libère, tu vois. Ça m'a fait penser à ça. Tu refaisais tout le cursus, si tu veux. Ouais. Et qu'à la fin, elle se retrouve dans l'eau, mais tu sais, je crois que l'eau, elle remonte comme si elle était baptisée. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. Et ça fait genre, tiens, je te baptise, ça faisait une sorte de symbolique. Bon, bref, c'est peut-être débile, mais ça m'a fait penser genre ça. J'étais plus proche de Gandalf qui se battait et qui était défait par le Balrog et puis qui reviennent plus tard en blanc. Je ne reviendrai pas. Mais ouais, c'est vrai aussi, ouais. Une renaissance un peu comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'après, elle a changé de caractère. Enfin, je la trouvais plus légère. En fait, le truc, c'est qu'après, j'ai l'impression que tu retrouves la snips que t'avais dans Clone Wars au début, en fait, tu vois. De retrouver un peu ce côté shippy qu'elle avait, avec des petits sourires en coin, des petits trucs un peu espiègles, comme ça, qu'elle avait pas trop dans le début de la série. Là, c'était plus sympa, je trouve, après, ouais. En tout cas, enfin, c'était. Mais j'ai trouvé. Vous la trouviez pas trop longue cette séquence-là? J'avais l'impression qu'elle a duré un bon tiers du. Ouais, même plus que ça, j'aurais cru. Hein. J'ai eu la sensation que c'est quasiment tout l'épisode. Non, parce que moi, je trouve qu'il y a une partie où elle reprend les baleines, ça prend un peu de temps aussi. C'est vrai. En fait, le truc, c'est que c'est un épisode qui était. Enfin, moi, ma sensation, c'est que c'était un épisode qui était là pour un peu mettre en place la suite, mais qui du coup était un peu. Un peu lent, un peu contemplatif, mais il fallait la faire revenir, il fallait qu'elle comprenne que elle avait de quoi faire ce qui, enfin, elle avait le pouvoir de faire ce qu'il fallait pour peut-être combattre Thrawn ou quoi, et entre guillemets la légitimer aussi dans son rôle d'instructeur, parce qu'elle n'est pas vraiment Jedi, mais dans son rôle d'instructeur pour Sabine, et peut-être que ça justement ça a permis de construire après la suite quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu long, C'est l'idée de se dire que l'intrigue là elle avance tout au long de l'épisode assez difficilement quoi. C'est lent, c'est lent, enfin, c'est méga lent d'ailleurs. Vas-y Olivier. L'ensemble de la série à part quelques épisodes c'est quand même assez lent quand même. Mais ça m'a pas dérangé. Dans les autres épisodes, ça m'a pas dérangé. Tu vas avoir des scènes où t'as vraiment la mise en place, des scènes un peu contemplatives comme ça sur les planètes ou quoi. J'ai trouvé ça sympa. Que là, ici, en fait, il y avait pas grand chose qui se passait et c'était pas vraiment de la contemplation parce qu'il y a pas de gros décors à voir quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Le problème, c'est tu vois qu'elle a fait que de l'écran vert. Hein. C'est Rosario Dawson, enfin l'actrice, je trouve que c'est problématique. Ouais. Hein. C'est une très bonne actrice. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle joue très bien normalement. Elle a été très mal dirigée quoi. C'est le scénar qui a voulu ça. Hein. Enfin, c'est quand même étonnant. La plupart du temps, elle a toujours les bras croisés, inexpressive. Du coup, enfin, j'ai pas compris. À la limite, c'est même pas une série. Ça aurait pas dû s'appeler Ahsoka, quoi, parce que elle est insipide par rapport à Ahsoka la dépressive. Voilà. C'est un peu ça. Ouais, non, mais je l'ai trouvé vraiment en retrait. J'ai pas compris. Parce que ça vient pas, encore une fois, ça vient pas de l'actrice. Elle est dans Daredevil, elle était exceptionnelle. Ah ouais, bah, dans toutes les séries dans qu'elle a fait. Dans récemment, elle était très très bien. Elle était très bien aussi. Donc, c'est pas. J'ai pas compris. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Elle était un peu même plus charismatique dans Mandalorian, je trouve. Oui. Après, on l'a pas vu beaucoup dans le Mandalorian. Voilà, ouais, y a juste un épisode Où elle se bat avec justement. Où elle se bat avec Mando. Non, avec justement avec sorcière, Morgan Elsbeth. Oui, mais elle se bat pas à un moment avec Mando. Elle se bat avec. Enfin, ouais, si, quand elle. En fait, justement, sur la planète où il y a Morgan Elsbeth, quand lui arrive sur la planète. Pour chercher un Jedi et on lui dit que c'est elle, le Jedi, elle arrive, au final elle se bat légèrement avec, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est pour Grogu qu'il est là. Et ensuite, après, ils combattent ensemble, justement pour aller dans la demeure de Morgane. Et après, elle se bat contre Morgane avec notamment la lance. Et ça fait directement un petit côté film de samouraï, on en parlait. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, mais de toute façon, c'est le. Ouais. Puis là, elle a bien la tunique de samouraï, alors que Mando, ça fait vraiment penser à un western. Ouais, c'est exactement. Ça. Bah, c'est les inspirations de Star Wars. Hein. Oui, bon, complètement. Ouais. George Lucas a inspiré des films de samouraï et de western hein, quand il a fait. Oui. Bah, c'est western galactique, quoi. Et il y a quand même quelque chose que j'avais beaucoup apprécié personnellement, c'est. Comment il s'appelle le gosse? Attends, je sais même pas. Le fils de Ezra. De Hera. De Ezra. Le fils de Hera. Ah oui. Voilà, lui, j'ai trouvé qu'il avait un rôle sympa parce que c'était un petit gamin qui suit sa mère un peu partout. Et du coup, tu découvres qu'il a la force. Qu'il a le pouvoir de la force. Enfin, tu le découvres. Mmh. C'est le fils de. Oh, j'ai pas tout vu les rebelles, les gars, donc faut m'aider. C'est pas le fils Canada de. Jarus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a la force. Mais j'ai trouvé que c'était sympa qu'il aide sa mère à retrouver Ahsoka qui est sous l'eau. Et ce petit moment, on lui expliquait, attention, elle est sous l'eau, je la sens, etc. Donc du coup, ils font du razzmatazz, ils la retrouvent. D'ailleurs, elle était morte, elle a ressuscité ou pas? Parce que j'ai pas trop... Bah, le truc, c'est que normalement, le monde entre les mondes, soit tu y vas via un portail, ce qui n'a pas été son cas ici. Donc normalement, elle est relativement morte, en fait. Maintenant, on a vu ça que dans Rebels, pour l'instant. Et j'ai pas, en tout cas, j'ai pas lu de bouquin qui en parlait plus que ça, dans ceux que j'ai lus. Donc, à mon avis, oui, elle doit soit mourir, soit être au seuil de la mort. Quoi. Ouais, du coup, elle était au seuil. Là. Ouais. C'est Jason, c'est le fils de Hera et de Kanan. Merci pour cette précision, Tony. Je t'en prie. On s'est pas encore fait engueuler jusque-là. Non, ça va, ça va. Ça n'a pas dit trop de conneries. Non, ça va. Et enfin... Et enfin, le moment, en fait, on l'avait un peu deviné quand on en parlait avec Olivier et Laurent à l'épisode précédent, c'est qu'on se doutait qu'elle allait partir sur l'autre galaxie à dos de baleine. Enfin, du coup, pas à dos, mais plutôt à bouche de baleine. À ventre de baleine. Voilà, bouche de baleine. À bord d'une baleine. Ouais. À bord d'une baleine. Ça fait beaucoup penser à Avatar, d'ailleurs. Ouais. Le 2 Le 2, oui. Ouais, bah, j'ai pas vu, donc du coup, non, je te crois. Je peux t'en passer. Ouais. Oui, j'aime pas Avatar, donc c'est pas. Moi non plus. Mais bon, voilà. Pour ma culture, j'ai regardé le 2 quand même. Ah, je m'en aimais, moi. Mais... Ouais. Je garde ma culture que j'ai dû. Hein, ça me suffit, moi. Pas... en tout cas, c'était pas une surprise, on va dire, ce moment-là. Non, Anakin, tu veux dire? Non, le fait qu'elle aille en bouche de baleine. Oui, non, bah non, non. Bah, le truc, c'est qu'il fallait s'y attendre, parce que c'est déjà comme ça que Thrawn et Ezra partent à la fin de Rebels, donc il fallait pas avoir fait un bac plus 12 en Star Wars pour se rendre compte. Je trouve ça bizarre comment elle lui parle, tu vois, elle pose la main, alors vas-y, ramène-moi là-bas. Mais le truc, c'est qu'elle a une certaine sensibilité envers les animaux qu'on avait déjà vu dans Rebels, si je me souviens bien, ou dans Clone Wars, je sais plus trop. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça lie un peu les Purrgils à des utilisateurs de la force. Et donc, ça légitime un peu le fait qu'elle voyage d'un monde où il y a la force à un autre monde où il y a la force. Et qu'elles arrivent sur une planète bien précise, dont on parlera à l'épisode suivant. Du coup, tu vas avancer. Un épisode 5, pas ouf au final. Il y a des trucs sympas, mais ça n'a pas été mon préféré. Ouais. C'était long quand même. Il se passe quoi dans le 5? Je me rappelle plus comme ça. Bah, le 5, c'est vraiment elle va dans le monde entre les mondes, elle récupère. Enfin, il y a toute l'histoire avec Anakin. En parallèle de ça, il y a Hera qui cherche qui cherche justement Ahsoka parce que son fils lui dit qu'elle est toujours là. Il y a Sabine qui est, elle est déjà partie au précédent. Oui, elle est déjà partie au précédent. Il y a le lieutenant, la pilote de X-Wing qui est un peu en mode. Et puis pour finir, il se dit oh, bon, allez, je vous suis quand même. Mais Oui, mais après, c'est pas un épisode qui marque parce que après, tu t'en rappelles plus, Olivier. Donc, ce qui t'a pas marqué tant que ça, en fait. À part 2-3 scènes, mais. Bah, enfin, j'ai du mal à me situer quel épisode la chronologie. Ah bah, moi, j'ai pris des notes. Mais bien, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est la scène justement, alors un peu longuette quand même, avec les Purrgils, où elle leur parle entre guillemets, mais de voir le gigantisme des Purrgils par rapport à la navette Jedi, qui est déjà elle-même assez imposante, puisque c'est la navette Jedi avec un dojo intégré, etc. Donc c'est pas la toute petite. Et puis tu vois le gigantisme des Purrgils à côté, c'était sympa quand même. Enfin, même tu vois le gigantisme, c'est quand ils allaient dans le champ de mine là. Ils sont énormes, ouais, les machins. Mais tu sais, genre, ça chatouille. Oh, ça après, chatouille. Oui, je sais, mais ça chatouille, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà, ça les chatouille puisque ça leur fait mal. Voilà. Alors, on arrive à l'épisode 6. Et là, du coup, on est. Alors, on voit pas le. On voit plus. C'est fini, Ahsoka, on la voit plus. Ahsoka, pardon, on la voit plus. Pas avant l'épisode 8, je crois. C'est marrant, on se croirait dans dans The Book of Boba Fett où on voit plus Mando que. Pardon, non, je suis désolé. Non, c'est l'épisode 7 qui arrive. On va pas tirer sur l'ambulance. Non. Mais c'était. En tout cas, il y a l'épisode 7, elle arrive à la partie de l'épisode 7, mais l'épisode 6, eh bien, celui-là, j'ai trouvé mieux. Plus, ouais. Mieux en histoire, mieux en scénar, mieux c'est en... C'est l'épisode où il y a C3PO ? Oui, Anthony Daniels qui revient. Ah, ouais, non, c'est le 7. Non, c'est dans le 7, je crois, ouais. Non, c'est dans le 7, oui, c'est juste. C'est dans le 7. Ah bon, c'est pas celui-là ? Non, il parle de Leia. C'est pas dans l'avant-dernier ? Ah oui, non, le 6, c'est celui où ils arrivent justement sur Peridea et tout se passe là-bas, ouais, c'est ça. Ils arrivent et il y a un signal si tu viens, qui vient de la planète et ils disent que justement cette galaxie connue, moi, cette planète, elle s'appelle, attends, j'ai noté, Peridea. Me dis pas. Pardon. Peridea. Non. Tiens, j'avais noté. Pelidera. Peridea. Pelidera. Peridea. Pourquoi j'écris Peridea? Ah oui, c'est un R. J'ai mal écrit. C'est Peridera. Tu vois pourquoi je prends pas des notes sur papier? Oui, mais au moins, j'ai pas de difficulté à me relire. Peridera. Voilà, ça fait le nom de part d'attraction. Non, Peridea. Dea, Dea. Bref, ça a une planète. qui est connue pour être le cimetière des baleines galactiques, on va dire ça. Voilà. D'ailleurs, tu vois d'entrée, d'ailleurs, dès l'épisode, au début, tu vois le cimetière de baleines. Voilà. Et il y a un signal qui vient de la planète Peridea. Voilà. Et j'ai bien dit, et il y a trois, on va dire les mères, les sœurs de la nuit. Oui, c'est les sœurs de la nuit, oui. Là, il y a la grande mère et puis deux sœurs de la nuit. J'allais dire les trois mères, mais tu vois, au début j'allais dire les trois maîtresses de Throne, mais On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas pendant 15 ans. Hein. C'est ça, voilà, il y a eu beaucoup de stormtroopers, hein, donc du coup, théories qui disent que ça... C'est en rapport avec la mythologie de Mortis. Ben ça le serait, enfin si on quand tu vois la statue, ouais. Ça serait, ah oui, la statue. Ouais. Oui, c'est pas le père de la force, c'est le père, ouais. À gauche. Il y a la statue du père, la statue du fils et un trou à la place où devrait y avoir la statue de la fille. Exactement. C'est ça. Et le père, c'est je sais que le fils c'est le symbole du côté obscur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le père, c'était l'équilibre entre les deux. C'était le côté. Ouais. Et le truc, c'est que Ahsoka est entre guillemets devenue la fille parce qu'elle était morte et que c'est la fille qui l'a ramenée à la vie en lui donnant son étincelle vitale. Donc en fait, limite, elle est devenue la fille en fait. Mais bon, j'espère en qu'on cas, en verra plus dans la série. D'ailleurs, c'est problématique parce que si t'as pas vu, c'est un gros défaut de la série. Ouais. C'est compliqué si t'as pas vu Rebels. Si t'as pas vu Clone Wars ou Rebels, tu ne comprends rien. Bah, c'est ce qu'on avait dit. Et là, c'est pire, je trouve. Ouais, mais là, c'est pire hein, parce que en fait, t'as vraiment des clins d'œil. Parce que mon épouse a abandonné. Hein. Elle a abandonné. Julie a abandonné. Elle a vu les deux premiers, le troisième, je crois, et après, elle a dit je comprends plus rien. Alors j'ai essayé de lui expliquer. Elle fait non, faut regarder machin. Moi, j'arrête. Donc le truc, c'est que je suis sûr qu'ils vont en perdre. Si tu veux vraiment profiter de la série, il faut que tu aies regardé 7 saisons de Clone Wars et 3 ou 4 saisons de Rebels, quoi. Ouais. Après, vraiment... t'as des chaînes YouTube qui reprennent l'essentiel. Ouais. Mais bon... bah après, je pense qu'elle peut se regarder sans, mais tu perds de la saveur quand même, quoi. Ouais, parce voilà, que les Sœurs de la Nuit, tu les découvres, on n'en a jamais entendu parler dans oui, aucune oui, série. C'est ça. Ouais, bah... Throne, la plupart des gens ne savent pas qui c'est. Enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas spécialement fans ne savent pas qui c'est. Enfin, il sort un peu de nulle part. Le fait que son vaisseau soit détruit, les Purrgils, etc. Bah, tout ça, si tu n'as pas vu Rebels, tu ne comprends pas, en fait. En tout cas, on voit les sorcières. Elles sont pas belles, on va dire ce qu'il y a. C'est bien les sorcières. Oui. Donc, les trois sorcières de Dathomir. Les matriarches. Putain, je cherchais le nom. Ah oui. Les matriarches. Putain. 20 minutes pour trouver le mot. Les matriarches, voilà. Les Dathomiri. Non. Si ? Si, c'est des Dathomiri, ouais. Putain. Qui arrive ? Bon, si je suis adoubé par Tony à la fin de ce podcast, c'est bon. Je peux mourir tranquille. Hein, voilà. Et on voit pour la première fois Throne. Hein, Throne, qui est dans Star Wars Rebels. Alors, Tony, c'est ton petit moment. Qui est Throne ? Alors, Throne, c'est un schiste. Donc, il vient en fait qui vient en dehors de la galaxie Star Wars. Donc, lui aussi, il vient en fait de plus loin. Et en fait, il est arrivé sur Batuu. Alors, dans le canon, nouveau canon, parce que c'était un peu différent dans l'ancien canon, dans l'ancien univers étendu, mais dans le nouveau canon, en fait, il est arrivé sur Batuu où il a rencontré Anakin Skywalker. Et après, un petit peu plus tard, il s'est enrôlé dans l'Empire et il a monté les échelons assez vite jusqu'à devenir amiral. Et le grade de grand amiral a été créé pour lui par Palpatine, parce que pour justement l'honorer, etc. Et en fait, son grand pouvoir, entre guillemets, c'est la stratégie qu'il est capable de mettre en place, qui est incroyable, honnêtement. Lisez les livres si vous avez l'occasion, c'est incroyable. Alors, moi, j'ai lu la BD. Moi déjà avec la BD, génial. Jeudi Hoozer, voilà. Ouais. Et Jeudi Hoozer, ou Osé, je sais plus comment ça s'appelle, ou Il. C'est la croisade nord du Jedi Fu, c'est ça, hein, en BD. Ouais, c'est ça. Ouais. Très j'ai très beaucoup bon. Aimé. D'ailleurs, ouais. La BD, elle commence, il est dans la jungle, avec les cheveux longs. Oui, c'est vrai. C'est fait bizarre. Mais c'est parce qu'il est, c'est à ce moment-là qu'il arrive en fait, à un avant-poste de l'Empire et qu'il le récupère comme un. Il le récupère, ouais. Et après, il prête allégeance à l'Empereur, etc. C'est ça. Oh non, j'ai vraiment bien aimé la BD. Après, je sais qu'il y a un livre, mais est-ce que le livre et la BD, c'est la même chose ? Ouais. Le livre, La croisade nord du Jedi Fu, c'est à peu près la même chose. Alors évidemment, le bouquin est plus cossu, on va dire. Ça a été écrit par Timothy Zahn, qui a écrit en fait trois... Donc, en fait, c'est une trilogie, hein, la croisade nord du Jedi Fu. Il y a L'héritier de l'Empire, les Dark Forces et... Attends, comment ils ont traduit en français ? Attends, je reprends. Ouais, voilà. C'est L'héritier de l'Empire, La bataille des Jedi et L'ultime commandement. Et ça, en fait, ça a été pendant longtemps la suite, vraiment la deuxième trilogie, en fait, qui était vraiment la suite de la première trilogie qui était passée au cinéma. Et même Lucas avait presque validé cette. C'était une commande de Lucas, suite, hein, je crois. Hein. C'était une commande de Lucasfilm. Ouais. Donc de Lucasfilm, ok. Ouais, oui. C'était pas tout à fait Lucas qui avait fait la commande, mais après, en fait, il a validé l'histoire, donc ça, c'était plutôt cool. Et juste pour information, je suis pas du côté obscur, je suis comme aussi fan que Tony, mais en tout cas, je trouve que c'est le personnage, le vilain le plus, on va dire, intéressant. Il est bien plus intéressant que Palpatine. Hein. Enfin, ah bah oui, complètement. Le truc, moi ce que j'aime bien chez lui, c'est que tu vois, Palpatine, il est là pour écraser, il est là pour montrer qu'il a de la force et montrer qu'il a. Enfin. Il va faire peur aux gens. Il est glaçant. Voilà, ouais. Déjà, il est méga glaçant, il est méga calculateur et tu le ressens dans la série, je trouve. C'est génial et c'est surtout qu'en fait, il va inspirer le respect à ses troupes, en fait. Et méga exigeant aussi. Ouais. Avec ses troupes, comme tu dis, avec ses généraux. Il est... Enfin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a une éthique. Enfin, il est. Ouais, c'est ça. Il a une éthique de combat. Enfin, de dans les batailles, il va quand même être assez éthique. Ce que j'aime surtout, c'est qu'il va s'intéresser à la culture en fait de ses ennemis pour comprendre les mouvements qu'ils vont faire, etc. Et on le voit dans la série quand il donc dans le nouveau canon, il a connu Anakin et il a travaillé avec Vador. D'ailleurs, il l'a dit. Hein, elle est comme son maître, c'est sûr. Ça, c'est exactement ça. Et c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est que déjà, c'est le seul de l'Empire qui a connu Anakin et qui a deviné que Vador, c'est Anakin. parce que bah, ils se rendaient un peu compte qu'il avait les mêmes genres de techniques de combat, etc. Alors que normalement, il n'y a que l'empereur qui est au courant. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, à partir du moment où il dit, ok, elle a été formée par Skywalker, bah alors du coup, elle va probablement réagir comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, c'est ce qui se passe. Bon, alors évidemment, c'est écrit comme ça, mais. Enfin, je trouve en ça, tout cas, l'acteur, il a bien cerné le personnage, je trouvais. Mais enfin, c'est déjà lui qui jouait dans la série, en fait. D'accord. C'est, okay. La voix. C'est Lars Mikkelsen, qui est le frère de... Eh ben, c'est la suite logique, du coup, qu'il incarne. Matt... Oui, c'est ça. Et en fait, c'est le frère de Mads Mikkelsen qui jouait le père de... attends. Dans Rogue One, il jouait le père de la fille. D'accord. J'ai complètement oublié leur nom. En fait, je trouve qu'il était... C'est son frère qui joue ça. Il joue super bien, ouais. Le seul truc qui est un peu dommage, alors après, c'est qu'en fait, Tron a toujours été très, très anguleux dans le visage, très mince. Oui, il a bien mangé à la cantine. Là, tu sens qu'il... Bon, après, il est vieux aussi. Il a la coupe de cheveux, il a raie bien l'arrière, là, je trouvais. Moi, j'ai trouvé visuellement... La Gomina. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très très réussi. Oui, franchement, il a. Et la scène où il arrive, enfin, ça te met des frissons. Mais c'est quand il arrive en cuissard aussi. Quand il arrive en cuissard, quand il marche, ouais, c'est un général allemand scène, aussi, qui arrive. Et puis les yeux, ils ont bien rendu les yeux. Ouais. Ça, j'avais peur. J'avais vraiment peur des yeux parce que je me dis, ils vont lui mettre. Enfin, quand tu vois le grand inquisiteur dans B1, je me dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire de Thrawn, quoi. Et en fait, non, ça va, ils l'ont bien réussi. Bah, c'est vrai que ça, c'était une frayeur, c'est que Thrawn soit mal joué. Ouais, c'est clair. Et au final, d'ailleurs, je trouve que c'est même pas trop le personnage à ce niveau-là. Oui, c'est ça, c'est un très très bon acteur déjà. Non, mais la mise en scène, en fait, c'était plutôt ça qui me faisait peur, en fait. Parce qu'on l'attend quand même depuis le début, et puis tu le vois qu'à la fin, ce qui est un petit peu dommage. Je trouve qu'il aurait pu arriver un peu avant pour qu'on s'habitue un peu. Déjà, l'arrivée du Chimeria sur la planète est déjà terrible. Enfin, je trouve que toute la cinématique d'arrivée du personnage est incroyable. T'as Chimeria qui arrive, qui vient se placer au-dessus de la tour. T'as les Stormtroopers qui arrivent aussi. Les Stormtroopers qui sont là. Tu vois qu'ils ont bien casqué. Putain. Ouais. Ils ont mais bien douillé sur l'île, je pense. Sur la planète. Ils les ont appelés comment C'est plus des Stormtroopers, ce sont des... Alors, c'est pas des Troopers. C'est les Night Troopers qui les ont appelés, voilà. Ah, d'accord. Parce qu'ils ont passé un pacte avec les Sœurs de la Nuit, etc. D'accord. Bon. En tout cas, tu vois bien qu'ils ont trinqué quand même. On voit qu'il manque de matos aussi. Et on en parle de Captain Enoch. Enoch, ou je ne sais plus comment. Enoch, ouais. Enoch. Ah, c'est incroyable. Franchement impressionnant. Hein. Il m'a glacé. Oui, vraiment. Il m'a foutu les jetons. Et ça, ce qui est fou, c'est que ça. Ah ouais, le masque est génial. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ça marche super bien. Quoi. Ah ouais, ça marche vraiment bien. Ils ne le vendent pas encore à Disneyland Paris. C'est une blague. Non, mais je pense qu'ils vont certainement le. Oui, je pense qu'il va y avoir des figurines qui vont sortir et des choses comme ça de lui. Mais ce qui est intéressant, après, c'est qu'il n'y a pas une grande importance dans la série. Là. Tu le vois juste. Hein. Bah, oui, mais sa voix est importante. Mm. Oui, je pense. Ah ouais, peut-être mais attends. Peut-être plus tard, mais pour le moment. Mais déjà là, en fait, tu peux te dire plein de choses. Parce que en fait, le truc, c'est qu'il y a eu deux trucs qui sont passés en fait, avec les ancêtres des Night Troopers comme ça, c'est qu'il y a eu un moment dans un des bouquins Star Wars, il y a eu des morts-vivants Stormtroopers. Je ne sais plus comment s'appelait le bouquin, mais c'était un truc un peu à part, un truc qui était sorti il y a quelques années. Et en fait, il y a eu à un moment donné des espèces de zombies qui sont devenus Stormtroopers, enfin des Stormtroopers qui sont devenus des espèces de zombies. Et en fait, on s'attendait énormément à ça parce que, alors, du coup, c'est la théorie dont je voulais parler l'autre fois que j'étais pas là. Ah. Mais en fait, le truc, c'est que le vaisseau dont ils servent s'appelle l'œil de Sion. Et il y avait un site qui a existé qui s'appelait Dark Sion, qui était quasiment un mort-vivant. Parce que en fait, il tenait son corps ne tenait quasiment plus que grâce au côté obscur de la Force. Et je me suis dit, bah oui, en fait, ça se tient. On sait que que Thrawn va être là-bas pendant des années sans ressources quasiment. Et puis, on a vu... j'ai oublié son nom. Malak, non. J'ai oublié son nom. Je recherche. J'ai complètement oublié. L'inquisiteur qui était là. Maroc, voilà. Maroc qui se fait tuer et qui disparaît dans une gerbe de fumée, donc un peu à la manière d'un mort-vivant. Bah, alors évidemment là on comprend que c'est plus en fait les Sœurs de la Nuit qui l'ont créé. Bon, c'est un peu dommage, mais ça aurait pu être super intéressant en fait d'avoir Dark Sion ou des vestiges de lui qui soit là-bas et qu'il ait pu récupérer en fait un peu de de cette manière d'utiliser la force pour pouvoir recréer une armée, quoi. Ça aurait été pas mal. Au final, c'est plutôt les Sœurs de la Nuit avec justement leur pouvoir aussi de créer des morts vivants, etc. Mais enfin, je trouvais ça déjà super intéressant, en fait, la manière dont c'était amené. Oui. Bon, en tout cas, on va dire que quand c'était une bonne entrée en matière. L'épisode 6 est quand même carrément au-dessus de l'épisode 5, hein, clairement. Oui, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on en sait plus aussi sur ce qui s'est passé entre le moment où eux arrivent et puis le moment où est arrivé Ezra et Thrawn. Donc on apprend que Ezra n'est plus dans le vaisseau, mais on ne sait pas trop comment, qu'il a été aperçu à un endroit. Voilà. On sait, je crois que c'est dans cet épisode-là, comme Belan Skoll, il dit que cette planète-là, ça fait partie des contes des Jedi. Tu sais, c'est ça. Donc ouais, on sait que c'est une planète importante, notamment pour les Datomiriens et puis pour les Jedi aussi, puisque ça fait partie de l'histoire. Voilà. Par contre, j'ai pas réussi à comprendre si c'était des contes, tu sais, d'horreur ou des contes fantastiques. Ça avait plutôt l'air d'être des trucs un peu d'horreur, hein, ouais. Vu que la planète est comment. En fait, le truc, c'est que de ce qu'on comprend, les Sœurs de la Nuit sont originaires de Peridea et sont après arrivées dans la galaxie Star Wars, ou l'inverse, c'est pas super clair, mais de ce que je comprends, c'est plutôt ça. Et donc, les Sœurs de la Nuit sont toujours liées au côté obscur de la Force. Alors, on apprend que ça n'a pas forcément été toujours le cas, notamment quand on lit les dernières sorties de la Haute République. Au fils du père de Mortis. Elle serait plutôt liée au fils, ouais, c'est ça. Qui est un peu liée au côté obscur, mais du coup, pas comme les Sith, en fait. Donc, d'ailleurs, qui visuellement ressemble au personnage dans le dessin animé, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ça a bien marché, ça, ouais. J'ai un regret quand même, c'est qu'on ne sait pas plus sur cette planète. Oui, Peridea. Mais je pense qu'on va en apprendre plus après. On devrait en apprendre plus après, ouais, c'est clair. J'espère, parce que ça serait. Tu vois, je suis pas sûr. Vu comment se termine la série, honnêtement, pour moi, il faut absolument qu'on en apprenne plus dans la deuxième saison. Je suis pas sûr. Ah, j'espère. Je suis pas sûr. C'est, à mon avis, c'était le but de la saison 2, donc je pense qu'ils vont recaster un acteur. Hein. Ouais, j'espère. Bon. Et j'ai relevé l'incohérence que je suis noté. Alors, je sais pas si vous l'avez noté, c'est que quand Sabine Wren arrive, les Sœurs de la Nuit, elle disait ça sent le Jedi. C'est elle qui sente, mais par contre, Belan Skoll et l'autre, elle... non, pas d'odeur. Je sais pas si vous avez pas fait gaffe. Elle dit ça sent le Jedi, et du coup, c'est Sabine Wren qu'elle ressent. Ah oui, oui. Mais... ça m'a pas choqué. Bah, moi, ça m'a étonné. Belan Skoll. Ouais, mais faut voir. Enfin, ouais. En fait, le truc, c'est que. Eux savaient déjà qu'elle se battait un peu comme une Jedi, etc. Donc elle avait dû être formée. Donc pour moi, ça m'a pas trop choqué. Bon, moi, ça m'a quand même choqué un peu. Bon. Et en tout cas, on a Sabine Wren, donc, à qui, comme tu dis, Thrawn a une certaine éthique. Donc qui va sur un cheval chameau. Je sais pas trop ce que c'est comme bête. Plutôt un loup, non ? Moi, je voyais plutôt ça comme un loup. Un cheval loup, oui. Ouais, je sais pas. Un cheval loup. Voilà, un cheval loup chameau. Un gros chien. Ouais, un cheval loup chameau. Un cheval loup mot. Voilà. On va l'appeler comme ça. Un chalumeau, quoi. Un chalumeau, voilà, exactement. On va l'appeler comme ça. Donc, elle est sur son chalumeau. Mm-hmm. Voilà. Et elle va à l'endroit où est censé se trouver Ezra. Je sais plus si c'est là où elle rencontre les Ewoks locaux. Non, en fait, elle rencontre d'abord une peuplade plus agressive. Ouais, c'est ça. Qui l'attaque et puis elle les d'ailleurs, défait. On en parle du combat contre les pillards. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'était long. Oh, un mon peu. Dieu. Bah, il fallait qu'on voit qu'elle était toujours pas très à l'aise avec son sabre laser et que mais elle essayait qu'elle n'y arrivait pas et que voilà quoi. Et moi j'y allais moi, sauter dans ma télé, j'allais l'aider. Hein. Putain mais qu'est-ce qu'elle est gourde. Ah. C'est vrai que mais le truc c'est qu'en plus elle est mandalorienne. Quand on la voyait dans Rebels, elle sait se battre. Vachement bien en fait. Et là, exactement. Non, on dirait une débutante, genre oh là là, il a un pistolet. Mais je pense qu'elle a voulu se forcer à utiliser le sabre laser en fait, tu vois. Et que du coup, c'est ça qui a pas marché. Et que, voilà, je sais pas. Ouais. Bon, je sais pas, Olivier, t'as pensé quoi de ce combat contre les pillards? Moi, je trouvais à chier. Non, j'aurais pas à chier, mais bon, oui, un peu longuet effectivement. Et bouge trop, on va dire. Ouais, c'est ça. Allez, ouais, c'est ça. Ça ouais. Allez. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, bon, après, il n'y a pas besoin d'action. C'est pas exagéré. C'était bien. C'était pas mal avec Thrawn. Moi, j'ai bien aimé. En tout c'est cas. C'est mieux que la poursuite de scooter des Power Rangers dans Boba Fett. Hein. On a dit qu'on tirait pas sur l'ambulance. Bon. Et puis, Sabine Wren rencontre des. des escargots, faut se poser des escargots, c'était des escargots. On va dire, est-ce que c'est des Ewok locaux? Je sais même pas s'ils ont un nom. Ils n'ont pas de poils, ceux-là. Non. Je pense pas qu'on ait. Bon, on dirait des. Moi, ça m'a fait penser aux Ewok, en fait. C'est con, hein, mais. Mais ça m'a fait penser, tu sais, au Ewok, le petit ouais, personnage bah local mignon. Enfin, mignon. Quand même, hein. Pas vrai. Un Ewok, c'est mignon. Ouais. Mais eux, bon, je sais pas. Je pense qu'ils sont faits comme ça, en tout cas. Mais en tout cas, c'était sympa. Enfin, j'ai trouvé sympa. Enfin, voilà, je trouve ça sympa. La façon dont ils se déplacent, tu sais. Alors, je suis même pas sur une carapace, non, c'est pas juste une coque qu'ils mettent sur le dos à chaque fois. Enfin, je sais pas. En tout cas, je trouve ça sympa. Voilà. Et puis après, je sais plus s'ils l'emmènent chez eux à cet épisode-là. Oui, hein, oui, puisque oui, c'est à la c'est fin là, qu'on retrouve. C'est juste à la fin de l'épisode qu'on retrouve. Ouais, c'est à la fin de l'épisode où elle voit Ezra. Et donc, ouais. Du coup, elle voit Ezra à la fin qui sort d'une hutte. Voilà. Et pas de Jabba le Hutt. Et effectivement. Jabba le Hutt. C'est le Hutt, normalement. Voilà. Oui, voilà. Jabba le Hutt. Voilà. Donc, il y a Ezra qui sort. Physiquement, alors avant de parler d'Ezra. Lors de l'épisode 7, du débrief de l'épisode 7, est-ce que physiquement Ezra c'était la personne que tu imaginais, bon, plus vieille déjà que dans la série, mais est-ce que Tony, toi, c'était le personnage physiquement que tu attendais de voir? Ça m'a pas choqué. J'avais pas de grosses attentes. Honnêtement, pour moi, celui sur lequel j'avais le plus d'attentes, c'était Thrawn. Franchement, Ezra, ça pouvait être n'importe qui jouait le rôle. Enfin, voilà. J'avais pas d'attente particulière sur le personnage. Et toi, Olivier? Moi, ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Oui, pareil. L'acteur est bien, mais c'est quand même une déception parce que c'est le truc de départ. Beau, moi. Et puis, je trouve que c'est une mollesse. Mais... Et puis, elle le retrouve. Et puis, oui, il est un peu mou, il est un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, mais même quoi, il se retrouve. Enfin, les dialogues. Enfin, j'ai pas aimé quoi. C'est. Mais non, c'est pas vu. En fait, c'est léger. Alors, c'était bien sur toi. Ouais, c'était bien. Et toi, c'était bien toi, soi. Ouais, c'était bien sur toi. Ouais, c'est longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, franchement. Mais j'ai trouvé le duo Sabine et puis Ezra à chier. Ça, et puis le truc. Ouais, comment t'es arrivé ici? Je te le dirai pas. Parce qu'en fait, j'étais avec les méchants. Ah, ok, bon, d'accord. C'est un peu. Je sais pas, c'est un ouais, peu. C'est vrai qu'elle lui. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut. Bon, on arrive à l'épisode 7 maintenant. Oh Alors, là, épisode 7. Oui. L'épisode 7, c'est Anthony Daniels. Voilà. Ahsoka arrive. Ça y est. On s'en fout d'Ahsoka. On a vu ses 3 PO. Attends, c'est le plus important. Oui, mais on va y arriver. T'inquiète pas. Hein. Donc, Ahsoka arrive à bouche de baleine. Hein, on va dire ce qu'il est. Thrawn avait préparé le coup. Il avait le nez. Hein. Mais en fait, c'est à la fin de l'épisode précédent. Hein, les Sœurs de la Nuit lui disent qu'elle arrive. Mmh. En fait. Mmh. Sont, une autre présence Jedi arrivée. Donc, ouais, alors ça, j'ai pas compris non plus. Elles sont dessus super loin en fait. Mais, ouais. Mais le truc, c'est qu'avec la mère Talzin qu'il y avait sur Datomir, qui était celle en fait qui avait fourni notamment Savage Opress et Dark Maul qui les avaient fournis à Palpatine, en fait, elle aussi sentait la force de très très loin et avait vraiment une connexion avec la force qui était très très. Enfin. Mm. Différente de celle des Jedi, mais elle pouvait ressentir des choses beaucoup plus lointaines et des choses comme ça. Donc ça m'a pas trop choqué en fait. Bon, il y a un mais peu des trucs, ta gueule c'est magique quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ils en profitent un peu, tu vois. Après, mais, oui, oui. Il y a donc elle arrive et puis alors il y a un truc que je me pose. Il y a la cargaison commence à remplir le vaisseau, puisqu'on voit qu'il charge des caisses. Moi ça m'a fait penser à des cercueils. Ouais, pareil. Voilà. Donc, je sais pas c'est ça que je m'attendais un peu plus à un truc avec des morts vivants, tu vois. Alors moi, je ça aurait marché. Les Sœurs de la Nuit, qui se trouve, parce que si j'ai bien compris, les Sœurs de la Nuit viennent de cette planète. Les Atomiriens viennent, sont originaires. Ouais, de c'est ça. Si ça tombe, c'est des Sœurs de la Nuit qui je dis, ça se trouve, c'est que des Sœurs de la Nuit, un truc comme ça. Ouais. Throne, il fait une collection de Sœurs de Nuit, tu vois. Collection. C'est possible. Un Stormtrooper, une sœur, voilà. Chacun sa sœur. Ouais, ça aurait pas été déconnant parce que ça, enfin, c'est un truc qui a déjà été fait, essayé d'être fait par plusieurs impériaux, c'est d'avoir des stormtroopers, enfin, en tout cas, des soldats sensibles à la force. Donc, oui, mais ça pas tu vois, je trouve ça dommage qu'on en sache pas plus de ce qu'ils chargent. Parce qu'il dit, on finit de charger et puis on s'en va, tu vois. Et j'ai... Ouais, donc c'est que c'est important en fait. Voilà, mais bon, ouais. Après, tu sais pas trop à quoi ça correspond. Tu peux que dire. On verra dans la saison 2. Ouais, enfin. Ouais, connaissant Filoni, je pense qu'il doit déjà savoir ce que c'est. Oui, il doit savoir ce que c'est. Mais c'est vrai que sans, ouais, c'est vrai que sans lui, ça va. En fait, j'ai un peu peur que tout l'arc de Bell and Skull, qui a été quand assez bah, bien fini. Amené, je trouve, mais j'ai peur qu'il le fasse pas, tu vois. Et ça honnêtement, ça serait compliqué. C'est... Ou alors peut-être qu'il va y avoir un truc où ça va être. Mais c'est con, mais moi, le personnage qui est plus sorti du lot, à part Throne, hein, d'accord, c'était Bell and Skull. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, tu voulais savoir, tu sais toujours pas ce qu'il voulait faire au final. Bah, il est même plus. Je trouve que c'est le personnage le plus important de la série. Hein. Ouais, pas forcément, mais moins le plus intéressant. Oui, même plus intéressant que Throne, parce que Throne, on n'a pas eu le temps de. C'est pour ça que je trouve que c'est trop court, parce que. On n'a pas eu le temps de s'imprégner de sa personnalité. Bah, d'ailleurs, dans l'épisode 7, Belascon, il a une grosse importance. Hein. Dans l'épisode, d'ailleurs, bah, t'as Ahsoka qui arrive, t'as le combat contre Belascon, qui est d'ailleurs bien. C'est un bon combat. Très bien. C'est un bon... Je crois qu'elle casse un sabre laser, je crois, sur le coup. Je sais plus. Non, c'est pas dans le dernier épisode qu'elle casse un sabre. Ouais, je crois que c'est à la fin. Le personnage le plus important pour moi, c'est Hui Yang. Hein. Ah oui. Parce que j'en parlais déjà l'autre fois. L'histoire, la Bible Jedi, lui. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il a survécu, en fait, à tout. Il a survécu à l'Ordre 66, il a réussi. Enfin, il est plus vieux que Yoda. Ouais, voilà. Et du coup, c'est super important, parce qu'on sait que... je crois que j'avais lu qu'il était apparu genre 15 ou 20 ans après la fondation de l'Ordre Jedi. Oui. Donc, déjà, il sait tous les sabres laser qui ont été conçus et qui les a utilisés. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Ouais. Il a formé des Jedi. Il a formé les premiers Jedi, etc. Je sais plus, mais est-ce qu'il aide pas justement Ezra à faire son sabre laser? Je sais plus. Non, parce que dans Rebels, il apparaît pas. On le voit dans Clone Wars, par contre. C'est dans Clone Wars. Non, dans l'épisode, il a cassé son sabre laser. Si, à la fin, oui, bien sûr. Je sais plus s'il l'aide à le faire. Je sais plus. C'est là qu'on comprend. Il se refait un sabre laser et lui dit ah oui mais donc votre maître c'était Kanan Jarrus. Ok bah alors prenez ces pièces là machin. Oui, et lui donne d'ailleurs son sabre il est vert. Justement il redevient bleu parce qu'il avait en fait il avait un sabre bleu. Ah, j'ai pas fait gaffe. Puis il a eu un sabre vert qu'il a donné à Sabine et puis là maintenant il a un sabre bleu en hommage à Kanan et en plus le enfin, tu vois, la partie du sabre laser, c'est la même que celle que Katan avait. Et il explique, j'avais que deux pièces comme ça, et c'est votre maître qui a pris l'autre. Bon, c'est ça, je m'en clin d'œil. Oui, mais c'est fait plaisir, ce petit clin d'œil. Oui, c'est sympa. Je sais pas si tu t'en rappelles, Benji, j'avais dit que c'était David Tennant qui faisait... Oui. Donc, j'adore cet acteur. Et en lisant des trucs, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, David Tennant est connu pour jouer Doctor Who. Ouais. Il a joué aussi pour... Oui, on a parlé de ça. Ouais, et Hu Yang, dans un roman canon, apparemment, il serait arrivé dans un temple Jedi, dans une boîte bleue. Ah ouais ? Le docteur Hu. Ah, terrible ! Il voyage dans une cabine téléphonique bleue. TARDIS. Ah ! Donc, en fait, tu te rends compte, il y a plein de références. Enfin, c'est très travaillé. Et en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, ça peut paraître... Il y a plein de petits détails qui sont très compliqués à voir. Alors, on a Bell and Skull là. Un petit gâchis quand même dans cet épisode-là, c'est Shinati. Je sais pas vous. C'est là complètement. Je la trouve que la personnage limite Olivier qui l'adorait. Je trouve qu'elle a. Mais là, bloom, elle a perdu toute sa splendeur. Elle est inexistante. Génial, hein. Elle fait même plus peur. Elle a même plus l'air aussi sûre d'elle qu'avant. Enfin, je la trouve pas sereine. On sait pas trop pourquoi. Ça arrive un peu comme. Comme ça, d'un seul coup. Bah, le truc, c'est que en fait, elle voit que son maître est arrivé à entre guillemets une. Enfin, il suit sa propre voie. Elle pensait qu'elle allait servir trône, machin, etc. Et lui, il a un autre truc à faire. Et puis, elle se dit ah merde, je fais quoi en fait. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Mais au final, ouais, elle perd confiance en elle. Enfin, voilà, c'est un peu dommage. Elle va peut-être justement. Et je me dis qu'elle pourrait prendre la suite de Bélan, c'est ça. Ouais, exactement. Je me demande. Elle a pas le charisme de Bélan. Ouais, mais je me demande si c'est pas, il y a pas eu de reshoot, tu vois, suite à la mort de l'acteur. Parce qu'il est mort à la fin du tournage, un peu de temps après, je crois. Il avait l'occasion de tourner toutes ses scènes, mais c'est vrai qu'il est mort juste après. Ça fait, tu sais, genre, on prépare. On prépare sa suite ou un truc comme ça. Parce que les scènes où Shinati a l'air toute molle, elle est toute seule en fait devant la caméra pratiquement. C'est vrai, oui. Ça fait vraiment scène reshoot, tu vois. Ouais, Genre, on a oui, des mais scènes avec. quand. Ouais, mais quand tu t'avais aussi des scènes où elle était seule avant, ouais, ça passait. Ouais, mais là, c'est bizarre. Ouais, c'est. Bah, je pense que c'est parce qu'elle a perdu de sa splendeur dans les épisodes, là. Donc, du coup. Enfin. Je sais pas. Alors, en tout cas, voilà. Cet épisode-là, moi, je l'ai plus apprécié dans le sens où. Il restait un petit peu mystérieux avec ce que charge Thrawn. Et aussi, bon, on attendait le retour aussi de Ahsoka auprès d'Ezra, etc. Mais j'ai trouvé que là, le retour d'Ezra, enfin, du duo Ezra-Sabine, il était pas au niveau. Enfin, Bah, c'est je crois comme qu'à un moment, il se barre, en plus, je crois, quand ils attaquent le. on Quand attend que ils ça attaquent. depuis le début en fait qu'ils soient réunis et puis on les voit à la fin ensemble mais ça tombe comme un soufflet enfin Ouais, c'est ça. ouais, C'était c'est ça. ça. Peut-être parce qu'on s'y attendait, mais enfin, c'était Bah, bizarre. le truc en fait c'est que honnêtement moi je m'attendais limite à ce que Thrawn et Ezra aient fait une espèce d'alliance pour survivre sur la planète tu vois ou que il soit passé quelque chose enfin que enfin, honnêtement, la théorie comme quoi Ezra aurait pu être retourné par Thrawn, ça me semblait pas déconnant. Ça aurait pu être sympa aussi. Ça aurait été mieux, à la limite, hein. Je pense que ça aurait été mieux, ouais, parce que là, c'est vraiment. Ah, il s'est échappé, on sait pas trop comment. Bah, il sert à rien en plus. Et puis, Et mais puis il il a dit été pas vivre avec comment, des hippos, Ezra tu il dit vois. pas comment il s'est échappé Mais en c'est plus. ça, il s'est échappé, et puis il a été vivre là avec ce. Enfin, on me dit pas que Thrawn pouvait pas le retrouver s'il voulait, quoi. Ah, Je suis désolé, hein. les Iwogo. Voilà, Ouais, en voilà, fait, avec les. c'est Donc avec les Donc Iwogo. les Bientôt en chalumeaux, les peluche à Iwogo. Disneyland Paris. Je suis sûr que ça Mais marcherait en plus. ça m'a un peu déçu en fait ce côté on sait pas trop. Et puis ouais, enfin au final il est Non, là, mais même, il. j'ai trouvé d'une mollesse. Ouais. Enfin, quand il y a la bagarre, là, quand ils se sont fait. Quand il y a la bataille, quand ils se sont fait alpaguer par. C'est les pillards, non, qui les chopent? Je sais plus c'est qui. Non, non, Ou c'est les Stormtroopers? c'est Non, directement c'est les Stormtroopers. Stormtroopers. Mais c'est pas dans Ouais. cet épisode-là, c'est dans le suivant encore, je crois. Oh, je sais plus, ben, j'ai trouvé. Il sait pas se battre, Ezra, en fait. Il fait. On dirait un moine bouddhiste Shaolin, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que je me Bizarre. serais. En fait, il y a deux choses. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Soit il est devenu super mou, et puis c'est nul, et puis voilà, tant pis. Moi, je trouve Baba cool. Soit. Ouais, c'est ça. Ou alors, Qui a changé? Belan. Parce que enfin, ça faisait quand même 10 ans qu'il était là sur la planète, à peu près. Donc, Belan vient pour trouver des trucs qui sont probablement un peu des origines de la Force, puisqu'on voit justement la statue du père et du fils. Et donc, peut-être qu'il a trouvé quelque chose qui a fait qu'il a réussi à amener un équilibre. Un peu, et qui a fait qu'il est justement bah, moins vouloir se battre ou des choses comme ça. Je me dis qu'il y a peut-être ça aussi qui est apparu. Ça fait penser à Luke pathétique dans Un peu ça, l'épisode ouais. à la fin de Ouais. l'épisode 7 au début de l'épisode 8 quoi. Ouais, c'est ça. Et Belan, vous pensez qu'il trouve quoi? Il veut chercher quoi dans cette planète? Parce qu'il parle souvent des contes de Jedi. Qu'au final, il dit oui. Il dit souvent qu'il y a des contes de Jedi qui parlent de ci, qui parlent de ça. Notamment de Peridea. Je me demande s'il cherche pas quelqu'un, moi, ou un artefact, ou. J'ai l'impression qu'il cherche un peu les origines en fait C'est lié avec de la Mortis, hein, c'est force. les origines de la Force, oui. Ouais. C'est, je pense que, Ouais, mais oui. qu'est-ce qu'il va en tirer, tu vois? Bon, on le saura jamais au final, mais Ben, peut-être le que truc, c'est si. qu'on, déjà, on ne sait pas ce qu'il est, Belan. Est-ce que c'est un Dark Jedi, comme beaucoup le pensent? Parce que c'est pas un Sith. Non, moi je pense pas. Je pense que Parce lui joue que, en solo. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il parle quand même En toujours de anti-héros. Padawan, qui est un comment, un, du vocabulaire de Jedi. Donc, c'est pas un Sith. C'est plus un Jedi, c'est pas un Jedi gris comme Ahsoka qui a décidé de quitter l'ordre ou quoi. Donc il a un peu limite fondé son propre truc, et peut-être que là il essaye de trouver des informations sur l'origine des Jedi, et peut-être sur. Enfin, pour peut-être un peu légitimer ce qu'il essaie de faire, je sais pas. Je viens de découvrir comment s'appelaient les Iwogo. Ah! C'est les Nauti. Iwogo, c'est cool, hein. Ouais, moi j'aime bien Je propose de Iwogo. faire une pétition pour changer ça. Voilà, les Iwogo. Là, ça s'appelle les Nauti, en fait. Les Voilà. nautis, ok. On essaie de le redire. Non, non, Iwogo, c'est très bien. Voilà. Alors, en tout cas, c'est pas non plus un épisode transcendant. Enfin, non plus. Enfin, je sais pas ce que vous avez apprécié. À part moi, Belan Skoll qui m'a vraiment impressionné sur cet Ouais. épisode-là, son Le charisme, combat, ouais. etc. Ouais. Même au-delà du combat, tu vois, j'ai Bah, de trouvé toute façon, bien. dès que tu le vois à l'écran, Oui. en fait, Il est il est honnêtement, il est exceptionnel. incroyable, quoi. Enfin, bah, du coup, j'en ai pas eu l'occasion d'en parler, j'étais pas là, mais la scène d'ouverture de la série avec lui qui arrive dans le vaisseau, mais Vas-y, parle-en, vas-y, ça m'a. avec Chinati. exemple. Mmh. Mais ouais, Ouais. ça m'a. C'est à l'époque où Olivier était amoureux de Chinati. Le duo était Mais le top, duo quoi. était incroyable, Il moi n'y a plus de duo ça m'a maintenant. Ils l'ont retourné le cerveau en fait de passé. voir ça. Hein. C'était incroyable. C'est une scène qu'on n'a plus vue depuis des années dans du Star Wars. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, c'est du Star Wars qui se passe dans l'espace. Il y a des Jedi, etc. Enfin, on ne sait pas trop, mais il y a des utilisateurs de la Force qui sont hyper badass. En fait, c'est ça, Star Wars, tu vois. Et moi, j'étais hyper content de retrouver ça. Honnêtement, le début de la série m'a emballé à mort, parce qu'on avait beaucoup de vols spatiaux, on avait beaucoup de... Enfin, on voyait la flotte de la Nouvelle République, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Et sur la fin, ça c'est devenu un peu plus intime. Vraiment, ça s'est recentré autour des quelques personnages, etc. Malgré le fait qu'on avait quand même une armée de Stormtroopers sur Peridea, ça s'est quand même recentré un peu autour de 4-5 personnages. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage de perdre ce côté, de vraiment avoir une grosse armée, des choses comme ça, quoi. Mais le duo, il n'existe plus. Enfin, moi, je trouvais qu'à partir de ce moment-là, le duo Bélan et... Ah oui, c'est fini. C'était fini, quoi. Il y a le duo fini, qu'on aimait bien avec Olivier quand on en parlait au premier podcast, pour moi, il n'existait plus. Ouais. Là. Enfin, ouais, le projet, j'étais assez d'accord avec vous, ça marchait super bien au début, et puis là maintenant, ouais, il n'y a plus, quoi. Il n'y a plus, ouais. En parallèle de cette histoire-là, sur la planète Peridea, nous avions un retour sur notre galaxie, du coup, avec la générale Syndulla. Oui, c'est Syndulla. Ouais, c'est Hera Syndulla. Oui, pardon, excusez-moi, tard. Syndulla, voilà, qui se fait juger par une sorte de tribunal militaire, je pense, ou un truc comme ça. Par un petit connard. Pas, ouais. Qui est en très surtout par un nerveux. C'est un gratte-papier de base qui veut faire un technocrate. On a les mêmes, nous. Voilà. On a tous les mêmes, nous. C'est nous. Dans tous nos pays, on a les mêmes. Voilà. Technocrate. Oui, donc du coup, on entend deux noms. Leia Organa. Ouais. Et là, on fait quoi? Mais en fait, non, elle vient pas. Ouais, je me suis dit, ils vont péter la tirelire pour faire du deepfake. Mais moi, ça m'a pas choqué qu'elle soit pas là. Non. C'est vrai que tu préfères les robots, toi. Je préfère les robots. Surtout là, les derniers là, qu'on a vus. Là. Ah. Ouais, moi, je vais les voir l'année prochaine. Bah, écoute, peut-être que moi aussi. Ah, bah écoute, si tu viens, on y va ensemble. C'est en train de peut-être pointer le bout de son nez. Réserve en décembre, je te le dis. Si tu veux qu'on parle dans la même date, faut me dire. Bah écoute, c'est pas impossible que ça se fasse, ouais. On est en train de regarder un peu le budget, mais... Je vais me dire. Dans tous les cas, ça faisait plaisir d'entendre un nom qu'on connaît. Ouais. D'ailleurs, moi, ça m'a donné ça... Alors c'est con, hein, mais ça m'a réveillé de mon canapé à ce moment-là. Mais moi, ça m'a fait un petit... Si trop PO arrivé, ça m'a re-réveillé du canapé. Ça m'a fait une bouffée d'air frais, tu vois. Oui, un truc un peu... Un truc bien lourd d'avant, tu te dis, bon, bah... Voilà. Et puis quoi, c'est Anthony Daniels qui revient encore, qui aura du coup joué dans quasiment... tout ce qui existe de Star Wars, quoi. C'est ça qui est incroyable. Tu crois qu'il marche vraiment comme ça dans la vraie vie? Alors, je spoil un peu le prochain épisode de Mesa, mais on a été à un meeting Disney comme ça, et il y avait des gars qui étaient, qui faisaient du cosplay. Attends, Star avant Wars. Que tu continues, est-ce que vous avez pu enregistrer pendant la convention? Oui, on a pu enregistrer des trucs, ouais. D'accord. Et il y a du monde qui est passé vous voir, j'espère. Il y a quelques personnes qui sont passées. Oh, c'est bien, c'est agréable. Surtout dans les exposants, en fait, qu'il y en a quelques-uns qui nous connaissaient, mais c'était sympa. Et du coup, il y a un des gars qui avait en fait refait un R2-D2 grandeur nature, il est incroyable. Je penserai à t'envoyer des photos. Il était incroyable. Et en fait, j'ai parlé un peu avec ce gars-là, qui me disait qu'un de ses amis avait un costume de C3PO, que uniquement sa femme, qui était fine, super finote, pouvait mettre. Et en fait, c'est le costume qui fait la démarche. Parce qu'il est tellement rigide que tu ne sais pas marcher autrement, en fait. Ah, d'accord, c'est le costume qui fait la démarche. Donc, ah, apparemment, putain. C'est vraiment ça qui fait qu'il est obligé de marcher comme ça. J'ai eu l'énorme chance de rencontrer Anthony Daniels. Oui, c'est vrai, oui. J'ai discuté avec lui 20 minutes facilement, parce qu'il parle très bien français. C'était au Paris Tokyo Game Show, il y a ça. J'ai un autographe, une photo de lui signée, il faut que je la retrouve. T'avais des cheveux à l'époque ou pas? Je devais avoir des plus de cheveux, oui, tout à fait. Et donc, il m'avait raconté, il a vraiment pris son temps. Donc, c'était des autographes payants, hein, quand même. Hein. C'était Bon, t'inquiète, ça les est toujours. Euros, mais il a pris son temps, il a discuté avec moi pendant facile un quart d'heure. Et donc, il m'a expliqué plein de choses, justement, sur la démarche. Effectivement, il a parlé de ça. Et j'avais pris une photo, on avait le choix entre plusieurs photos pour décasser, et j'ai pris une photo de lui où il avait enlevé il était dans le costume, sans son masque, donc il était content que je prenne une photo de lui, et pas que de ses trois PO, où il tenait une sphère en fait, une sphère argentée qui reflétait tout. Et en fait, il m'a expliqué à quoi ça servait pour les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il prenait cette sphère avant pour que les caméramans pouvaient voir ce qui pouvait se refléter dans son armure, etc. Enfin, c'était tout un bins. C'était très complexe de filmer son personnage, en fait. Parce que c'est lui qui joue dans Star Tour. Ah, Disneyland. Non. Très Non, bien. c'est pas lui. C'est C'est la pas voix lui de qui joue Roger dans Star Tour. Carrel, le regretté Ouais, ça va, Jean-Paul Roger Roger Carrel. Carrel, ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas lui qui a doublé dans Ahsoka, celui qui le remplace, on y voit que du feu, hein. On a l'impression que c'est Roger Carrel, en Ah, français. je pensais que c'était lui qui l'avait doublé. Non, c'est pas Bah, lui. il est mort Ah bah, il est mort, plusieurs Roger années, hein. Carrel. La voix Ah oui, d'Astérix c'est est vrai. morte. En effet, c'est Ouais. oui. Il y a un moment, C'est encore lui à Star Tour, mais. C'est compliqué qu'il y ait une jouée, ouais. La voix d'Astérix est morte. C'est lui qui faisait Astérix. Ouais, Et ça va. Bénil. Bénil aussi, ouais. Ouais. Et Oui. Kermit la grenouille. Kermit la grenouille, ouais. C'est vrai, Il a tellement fait de choses. Et ouais. Jiminy Cricket, c'est lui aussi. Oui, Ah Jiminy Cricket. Ouais. Ouais, il a fait tellement de voix. C'est les doubles. C'est les doubleurs qui sont. Il est connu que pour ça, Lui, parce que c'était le doublage. un master. Bon, voilà, ouais, c'est clair. Donc, du coup, Leia Organa qui explique par le biais d'un joli mensonge, on va dire ce qu'il est, que la générale Syndulla était en mission pour elle, puisqu'elle est ministre de la Défense. D'ailleurs, cette scène, un peu facile d'ailleurs, Ouais, mais bouffer elle des sert restes, qu'à elle est faire voir à commode. des C3PO, franchement. Mais oui et non, parce que je trouve qu'elle amène déjà un élément qui est, enfin, qui va montrer qu'il y a déjà un peu au sein de la Nouvelle République, que déjà bah, il y a des bureaucrates débiles qui veulent se faire mousser, et que Leia, enfin, on est quand même très très tôt au début de la Nouvelle République, et en fait Leia est déjà en mode, en fait, je préfère rester Ça se voit que t'es à tôt parce pouvoir me qu'elle est battre en encore fait. fragile quand même. Tu sens qu'elle est fragile. Hein. Oui, c'est ça en Enfin, fait. rien que là, ils sont pas trop d'accord sur comment. Est-ce qu'il faut sanctionner ou pas la générale Syndulla? Tu vois qu'ils sont pas trop d'accord. Dès qu'il y en a Ouais. un qui a plus de gueule que l'autre, ça veut pas trop prendre ce choix. Enfin, tu sens bien qu'elle est fragile, la République. Mais c'est ça en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant que Leia vient de s'opposer comme ça à Mon Mothma, qui, enfin, au final, ils ont beaucoup travaillé ensemble au moment de la rébellion. Et Bah, elle ne s'oppose pas vraiment à elle, parce que son mode part, elle oui, c'est pas ça, mais. mode ma, c'est dur à dire. Mode Il est tard. ma. Mais Mais ouais, ouais, je sais pas, enfin, je je trouve trouvais que cette scène un peu c'est facile. intéressant. Enfin, bon, Ouais, j'ai mais expédié en deux bouffer temps, d'air trois frais. moments. Oui, non, mais voilà, tout à fait. Bouffer d'air Sympathique. frais. Voilà. Après cet épisode, donc le dernier épisode, les gars, épisode 8. Voilà. Épisode 8. Alors, je vous demanderai de qualifier, avant d'entrer dans le détail, deux termes pour le définir. Tony. Deux termes. Ouais. Par exemple, moi, je vais t'en donner, moi, j'ai noté. Pour moi, il oscille entre déception et curiosité. Le Super 8-2. Ouais, ben perso, déception et suite. Ouais, curieux, ouais, d'accord. Et toi, C'est un Olivier? peu la même chose, ouais. Déception et en fait On est tous attendu. d'accord. On a quand même déception qui fait l'unanimité. Ouais, Hein. ouais. Attendu parce que enfin, quand tu vois une série qui a que 8 épisodes et que t'as Throne qui arrive 3 épisodes avant la fin, Ouais. tu te dis comment veux-tu qu'ils mettent en place et puis que tu sais que le dernier épisode dure 40 minutes. Déjà, Ah dès le ouais. 7e, Ah je oui, il savais était que ça allait être méga court. décevant. Hein. Oui, c'est Dès le ça. 7e, je savais que ça allait être décevant comme 90% des séries Marvel ou Star Wars. C'est-à-dire que t'as un truc qui est promis, surtout avec Ahsoka, où tu vois qu'ils ont mis le budget, il y a des effets spéciaux de fou. C'est absolument pas spectaculaire. Enfin, ça l'est un petit peu, mais t'attends un truc épique. Ça aurait Au mérité au discours, il a moins quand même. d'épisode d'une Alors, heure, attends, enfin, attends. une heure et Comparons demie. quand même des choses comparables. Non, mais juste Dernier pour noter le épisode discours d'Olivier. de. Attends, juste pour noter, c'est qu'Olivier, je me souviens qu'on a enregistré les quatre premiers. C'était ouais, trop bien la série. Même moi, le premier. Hein. Trop bien la série, Pareil. machin. Et là, vous voyez pas le visage d'Olivier, mais quand Olivier leur parle, il a l'air d'être déçu par les épisodes qu'ils ont suivis, en fait. T'as l'air un peu déçu. Ils sont pas au même niveau que les premiers. C'est l'impression que tu donnes. Ah non, oui, tout à fait. Et puis, c'était l'occasion d'amener justement Tout ce ça que je pour disais ça. dans l'autre épisode à un nouvel univers. Enfin, je pense que c'est le but de Fenoni. C'est Ouais. de nous éloigner. Enfin, bon, ce que j'expliquais, mais apparemment, voilà, ça part pas tout de suite dans cette direction, en tout cas. Non, mais on a eu vraiment des épisodes prometteurs. Et puis, il y aurait pu. Enfin, ça aurait mérité un épisode d'une heure et demie, déjà, peut-être. Ouais, au moins. avec Ou des une combats un saison peu plus plus longue. épiques, Oui, ou plus ou une saison plus plus longue, d'épisodes. enfin, ou moins d'épisodes bouche-trou où on s'ennuie un peu, plus de contenu tout de suite. Et puis, dès le septième, même à la fin du 6, je me suis dit, bon, ça, le dernier épisode, il peut être que décevant. Mais ces Ouais. 140 minutes d'épisode, ça suffisait pas. On savait que ça Bah allait être oui, parce qu'en court. fait, ils sont longs à amener les choses. C'est où tu Mais fais. je trouve que même dans l'épisode, en fait, tout se passe vraiment dans les 10 dernières minutes, quoi. Il y a quand même Oui, des c'est bouts ça. d'épisodes où ils sont en train de se préparer à combattre les Stormtroopers. Ils les combattent, puis après, il y a une demi-heure d'épisode où ils sont en train de marcher vers la tour des Sœurs de À la d'autres Nuit. chalumeaux. Et Voilà. puis après, ouais, il reste 10 minutes pour les quelques combats finaux Et encore. et le départ de Tron. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est court. Honnêtement, j'aurais préféré peut-être qu'il nous fasse attendre encore quelques mois à la série, d'avoir une saison un peu plus longue avec un. Bah, enfin, soit il y a une saison 2, soit on va voir très vite le film Mais ils ont de prévu une Philippe. saison 2, parce que vous parlez tout le temps de saison 2, mais moi j'ai pas vu. J'ai rien vu, ils en Mais parlent pas non, il n'y a encore. pas Au de saison 2 départ, il est prévue, je crois prévu une pas. saison 2. Hein. Mais maintenant, Avant ils le en parlent plus film. trop. Ils n'en parlent plus trop Ah parce qu'a oui. priori, ça n'a pas trop marché quand même. Il y en a plein qui ont décroché. Si t'as pas vu, je dis, bah, il y a Ah bah plein, c'est je le connais qui ont défaut, décroché. c'est Filoni, il a un peu raté son coup là-dessus, c'est-à-dire que je connais des gens qui n'ont jamais Il faudrait vu demander à Laurent. Rebelle, etc., donc qui ont quand même apprécié parce qu'il y a un univers, il y a une ambiance, mais il y a plein de trucs où tu passes à côté et tu as l'impression, sans connaître ces choses dont tu passes à côté parce que tu n'as pas vu les dessins animés, tu as l'impression de voir une série plate. Ouais, c'est ça. Je connais plein de gens, ils disent, bah, en fait, il ne se passe rien. Ils vont chercher Isra, ils trouvent Isra. Ils vont chercher Thrawn, il y a Thrawn, il n'y a J'ai rien qui pas se passe. t'attends. En plus, quand t'attends Ezra, enfin, je sais que moi, on m'a dit, moi, je croyais que Ezra, c'était un big boss et tout. Ouais, voilà. J'ai Et cherché, mais en fait, c'est un mec, il a Thrawn, enfin, pas de franchement, et Curtis, charisme. enfin, moi, il aurait dû arriver au moins le voir dans des scènes, tu vois, en train de parler à ses généraux, enfin, je ne sais pas, c'est son armée. Ou... C'est trop décevant de le voir. Il Enfin, parle au matriarche, c'est déjà pas mal. ouais. Mais et si tu connais pas tout l'univers d'Asso, enfin pas d'Ahsoka, de Rebelle et de pas mal de choses de Clone Ouais, Wars, Clone Wars, ouais, aussi, parce ouais, qu'il faut ouais, beaucoup, tout, bah en du fait, hein. coup ça te paraît fade et insipide, je pense. Ouais, Et il y en a après plein qu'on a t'apprécies parce abandonné. que c'est beau à voir, il y a des beaux effets spéciaux, mais c'est un peu le problème qu'on va avoir avec Marvel maintenant. Les jeunes qui vont arriver maintenant, qui vont découvrir un Marvel, Bah, s'ils n'ont pas vu les 50 films sur 10 ans, faut rattraper les 30, 35 ouais. films. Et plus ces séries Problématique. maintenant. Moi, Si je pense qu'il tu faut, à un moment donné, il faut faire table rase. Tu fais quelque chose dans l'univers Star Wars. Les Skywalker, tu laisses tomber. On en a assez parlé. veux. Faut partir sur autre chose. Et Comme le un peu faisait comme ce qu'ils ont. le début du Mandalorian, en Ouais, fait. c'est ça. Voilà. Ça, Et ou alors ça a ce plu. qu'ils font avec la Haute République, hein. Tout l'univers de la Haute République, où on va d'ailleurs avoir la série The Acolyte. Qui va être comment, qui va sortir, enfin qui va avoir lieu à peu près à cette époque-là. En fait, c'est un tout nouvel univers. Il n'y a pas de Skywalker. Alors, il y a un ou deux personnages. Enfin, il y a un Oui, mais c'est personnage ça. qu'on connaît déjà qui apparaît là-bas, mais ça se passe 200 ans. Enfin, la première partie se passe 200 ans avant la menace fantôme, en fait. Oui, Donc, c'est ça. c'est Mais vraiment l'âge pourquoi d'or de il la faudrait peut-être qu'ils Saga. arrêtent, tu sais, les séries, les films avec les Jedi. Parce que les Star Wars qui ont mieux marché, c'est ceux où il n'y a pas de. Ils sont meilleurs, très bien, ceux où il n'y a pas de Jedi ni rien. Rogue One. T'as pas de Jedi, t'as rien, c'est Ouais, excellent. mais c'est quand Enfin, même très Rogue One, lié à voilà. la création de l'étoile noire, tout ça, mais Oui, mais je veux dire, t'as pas de je Jedi, t'as pas de sabre laser, t'as pas de sais mystère. pas. Je me demande quand même si à la Pas. cantine, ils se lancent pas un peu d'ail. Je crois qu'il y a des Jedi, Ok, mais. allez. Non, mais Bon, enfin, je non, pense qu'il faut non, partir. mais je veux dire, t'as pas tout ce mystique autour des Jedi du côté Bah, lumineux. t'as quand même un petit peu de la force qu'elle a avec. Oui, mais C'est pas là tout en n'est pas dessous, quoi. centré là-dessus. Ouais, Et tu prends aussi. Bah, moi, par exemple, Rogue One, j'ai adoré. C'est pour moi un vrai Star Wars. Mandalorian, j'ai adoré. T'as pas de. Enfin, t'as Grogu qui est un Jedi, mais tout ce qui est histoire des Mandaloriens, etc. Enfin, j'ai. En Voilà, fait, quand bah, t'as pas surtout de la Jedi, c'est saison plus 1 qui est large. bien. Tu es de Après, côté, toi? Peut-être qu'il faut faire un Star Wars sans Jedi maintenant, tu vois. en fait, le truc, c'est que Star Wars, il y a pas un Star Wars, il y a des Star Wars. Et chacun a son Star Wars. Moi, par exemple, je suis très fan des combats spatiaux et j'aime beaucoup voir des Jedi très badass. Ça me botte. Y en a qui vont aimer, et en grandissant, j'ai aussi beaucoup apprécié le côté politique de Star Wars. Y a des gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir l'Empire qui est là et qui écrase d'autres planètes. Y a des gens, ils veulent voir que les Jedi ou des trucs comme ça. Et donc, Bébé Grogu. Ou que Grogu, ouais, par exemple. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a, en fait, il y a des Star Wars, et c'est difficile maintenant de contenter tout le monde. Et en fait, je trouve que les premiers films avaient un bon équilibre là-dedans, parce qu'on avait un peu de tout. On avait un peu de politique qui me passait complètement au-dessus de la tête. Enfin, je me souviens, j'ai vu les Star Wars, j'avais peut-être 6 ans, 5-6 ans. Et quand Tarkin disait « Ah, le Sénat a été dissous », ça me parlait pas, tu vois, je comprenais pas ce qu'il disait. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'était tellement important. Une phrase qui disait « Le Sénat a été dissous », mais c'était énorme, en fait, de se dire que le Sénat avait été dissous. Enfin, et du coup, c'est ça que j'aimais bien dans ça, c'est qu'il y avait vraiment plein de manières de le voir. Et maintenant, on a plutôt des films ou des séries qui sont tournées vers un seul aspect de Star Wars. Donc tu vas avoir un truc, ah ben tiens, toi t'aimais bien les combats au sabre laser, ah je vais te faire une série Obi-Wan, il y aura des sabres laser, et je vais te faire une série Ahsoka, il y aura des sabres laser. Ah, t'aimais bien le côté western, bah tu vas regarder Mando. Et en fait, ils essaient de trop morceler ça, et je trouve ça un peu dommage. Et ouais, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai tendance à dire pas mal de bouquins. Le Star Wars que je commence à de plus en plus aimer maintenant, c'est les livres, parce qu'il y a beaucoup. Et au final, la Haute République, moi, ça me plaît pas mal, parce que y a du politique, il y a un peu de tout. Alors, en fait, la Haute dedans. République, juste tu peux la remettre dans la timeline pour savoir pour les gens. Donc, la Haute République, en fait, ça se passe 200 ans avant la menace fantôme. Ouais. Avant l'épisode 1, ouais, c'est ça. Et c'est en fait l'âge d'or de la République avec des Jedi aussi, du coup. Et des Jedi, ouais, avec l'expansion en fait de la République. Donc ce qu'on appelle la bordure extérieure maintenant, en fait c'était pas la bordure extérieure à l'époque. Il y avait beaucoup de monde, par exemple les Togruta, dont Ahsoka fait partie de la race. En fait les Togruta n'étaient pas dans la République à l'époque. Et on voit par exemple comment les Togruta commencent à établir des liens avec la République. Et alors il y a la deuxième phase de la Haute République, ça se passe encore 200 ans plus tôt, donc 400 ans avant. Et là, c'est comment est-ce qu'on faisait la prospection de routes hyperspatiales. Donc, on découvre en fait là maintenant, quand on les voit, on dit ah tiens, je passe en hyperespace, machin, tiens, vitesse lumière, tac, c'est parti. En fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Il a fallu découvrir ces routes hyperspatiales. Quand ils disent qu'il y a un calculateur hyperspatial, en fait, c'est super important parce qu'ils doivent calculer en fait une route, mais ils doivent calculer le meilleur moyen d'aller sur une route qui a été découverte à un moment. Mmh. Et donc là, ça parle de ça en fait. Enfin, je trouve ça super intéressant. Raison, il y a une BD. Son Star Wars, hein, parce que moi j'aime Star Wars, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait qui est beau dans Star Wars. Tu vois, le côté politique, tout ça, comme on a eu dans l'épisode 1, 2, 3, ça m'a un peu sorti du truc. Pour moi, Star Wars, c'est l'épisode 4, 5, 6. Oui, ça reste les mêmes. C'est tout. Ouais. Et pas plus. C'est ça qui a fait aimer. Qui nous a fait aimer Star Wars, quoi. Donc, le trio Skywalker, enfin, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, c'était exceptionnel. Mm-hmm. Il y avait une alchimie de l'humour, de l'aventure que tu retrouves pas. Tu regardes un Yoda marrant que tu voyais pas forcément marrant. Oui, mais tu regardes Ahsoka, par exemple. J'ai bien aimé, globalement, mais il n'y a pas d'humour. Les personnages n'ont pas de charisme. Ouais. Enfin, les héros n'ont pas de charisme. Si, Belen Skoll. Oui, mais c'est pas les héros. Oui, c'est vrai, mais on voit qu'il y a héros, je pense que c'est les héros. Comme ça, Sabine sans plus. Tu vois, c'est les méchants qui marchent le mieux dans. Bon, alors, mis à part Dark Vador qui est exceptionnel, qui a un traitement tout particulier, mais là, dans la première trilogie, tu t'identifiais vraiment aux personnages principaux. Et c'est pour ça que la saison 1 de Mandalorian a plu à tout le monde, parce que c'était la série qui se rapprochait le plus. Ouais, tout à fait. Dans l'univers de. Il y avait un petit ton d'humour, tu vois. Grogu faisait rire, c'était lui qui apportait l'humour. Qu'on n'a plus du tout. Maintenant, moi, le côté politique, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est ce que voulait faire George Lucas depuis le début. Hein, mais en fait, l'épisode 4, 5, 6, c'était un accident industriel. C'était vraiment pas ce qu'il voulait faire. Il l'a fait avec Brick and Brock, avec ce qu'il pouvait, avec le budget qu'il pouvait. Et ça a donné un truc hallucinant et exceptionnel. Ce qu'il voulait faire, c'était vraiment l'épisode 1, 2, 3. Et qui finalement, sont des épisodes qui m'ont beaucoup ennuyé. Donc, c'est pour ça que j'ai les livres aussi. Ça me... pour moi, Star Wars, c'est le cinéma. C'est les trois premiers films, en fait. Donc, Et pourtant, ou il avait alors, fait le 1, 2, 3, hein, enfin, dans ce l'esprit, enfin, film-là. tu vois, c'est, pour moi, c'est ça, Star Wars. Après, c'est pas inintéressant de faire des livres ou partir sur d'autres histoires. C'est comme, moi, j'ai bien aimé la série Andor, par exemple, alors qu'elle est très différente. Ah, c'est pas le même ton du tout. Mais C'est... justement, Il n'y a c'est pas pour de ça que j'ai Jedi apprécié. ici. Il n'y a pas de C'est Jedi, pour ça c'est que j'ai comme Rogue apprécié, One, parce des qu'elle rebelles. est très bien faite et tu pars sur totalement autre chose. Mais Il faut tu vois, faire c'est pas ou forcément en totalement fait autre ce que tu chose. dis. Est-ce qu'il y a des personnages qui méritent de l'attention? Je pense au Guerrera, j'aimerais bien une série sur lui. Ah oui, ce serait pas mal. Ça serait pas mal, tu vois. Il y a des personnages quand même qui sortent du lot et tu te dis, bon bah ça serait bien de les voir dans une série ou un film dédié. Il Parce y que tu a vois, l'Empire des Sciences, il était censé l'origine des faire Jedi, tout ça m'intéresse plus. Enfin, j'ai pas envie de savoir. Ils vont nous faire n'importe quoi. C'est comme moi, je me remets pas de Princesse Léa qui est propulsée dans Ah l'espace. non, Et... ça. Non, Ils ont faut fait le arrêter truc, avec ça. c'est Oui, faut arrêter. Moi, j'ai pas envie qu'ils parlent de la force, et c'est fini quoi. Donc, bah, le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils parlent de la force, ils te rajoutent un truc en mode hey, en fait, on sait faire ça aussi avec la force. Ah, en fait, on voilà. sait. Et puis, ça, Regardez, on je vais peut tout tourner mon dire. laser. Mais Ouais, ouais, mais. bah déjà, ils parlent. Il y a Grogu qui chope des grenouilles pour les Tu manger. regarderais Kylo Ren, voilà, ils Moi, discutent. je suis désolé, mais ça a été abusé, ça. Hein. Le combat qu'ils font, ah, moi, je suis sur le vaisseau, et puis moi, je suis sur la planète, on arrive quand même à se battre. Et puis, ah, regarde, je t'ai porté un bout de truc là. Enfin, depuis quand il y a de la téléportation dans Star Wars, quoi? Faut arrêter. Ou quand elle est là, à la fin de l'épisode 9, avec le sabre laser qu'elle récupère dans son dos. Enfin, c'est. Waouh! Moi, je pense qu'il faut faire, c'est tu restes dans le même univers, c'est le même type de droïde, le même type de décor, Ouais, le c'est même ça, type mais de tu peux faire bruit. plein d'autres Tu fais choses, en une autre fait. histoire. Tu Clairement, fais autre je suis tout à fait chose. d'accord. Et Skywalker, il y en a marre. Franchement, en fait, d'apprendre que machin, c'est la tante de l'oncle du grand-père de Palpatine, enfin bon, ça devient ridicule la force, Ça quoi. dépend, c'est Oh, le peut-être le clone de la spoiler! grand-mère de l'arrière-tante. T'as des clones hein, aussi, hein, tu y vas. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu brouilles tout le Donc, monde. Ouais, après, après, je pense qu'ils vont être obligés de je pense qu'ils sont en train de se réveiller là. Le Disney Bah, ils vont a annulé commencer à s'éloigner un Daredevil. peu. Ouais, voilà, ils se rendent compte que. Ils n'ont pas annulé Daredevil, ils l'ont reporté. Non, ils refont tout. Bah, ils ont tout Ah oui, effacé, d'accord, quoi. j'ai cru que tu me disais qu'ils avaient annulé la série, non. Mais tout ce qu'ils ont Oui. tourné, ils vont le refaire. Voilà. Oui. Donc ça devait être bien moisi. Ouais. Bah. Je Mais pense. je pense qu'ils ont compris peut-être que fallait arrêter de faire de la quantité et plutôt faire de la qualité. Quand tu vois les premiers films Star Wars, le temps que ça a pris à sortir, et puis la deuxième trilogie, qu'on aime ou on n'aime pas la trilogie, elle a, enfin moi je, il y a eu du travail dessus qui a été fait, qui était quand même conséquent. Oui, bien sûr. Et puis après, ils sont capables de sortir un film Star Wars, trois séries, un film tous les ans, trois séries, et puis après on va te Alors moi rajouter, enfin. je pense que c'est pas un problème de quantité ou de qualité. C'est con, hein. Moi, je pense qu'en fait, il faut que quand ils donnent les mains à une personne pour diriger une série ou un film, que ce soit Star Wars ou Marvel ou un autre, il faut que ce soit un fan qui le fasse. Quand Felloni, c'est un fan c'est qui un le super fait, fan, hein. quand tu fais faire par un fan, c'est sûr que c'est au moins bien, un minimum. C'est pas sûr. Parce que Bah, un fan va James pas Gunn, par exemple, surprendre. ça passe. Sam Raimi, pareil, c'est excellent. Ouais, mais c'est pas un fan qui va aller te surprendre, en fait, tu vois. Ouais. Donc, Mais au moins, d'un il va côté, pas oui, je suis gâcher le truc, d'accord. quoi. Il va pas gâcher le truc, ça c'est clair. Mais par contre, il va jamais prendre de risques. Parce que Ahsoka, au final, c'est une bonne série quand même à regarder. Ah oui, à ce cas, moi j'ai Elle bien. perd de sa saveur à partir de l'épisode 5-6, tu vois. Oui, mais Mais. elle est très bien parce qu'elle est très belle à voir. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est Honnêtement, moi, ça. au global, Ahsoka, j'ai vraiment bien aimé. Hein, Et moi aussi, Oui, si. C'est juste que déçu, déçu. déçu par la fin, Oui. c'est clair, mais la série était terrible. Hein. Enfin, avoir des Filoni au scénario, tout. Mais, enfin, parce que des Filoni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a créé. Comment? Qui a créé Clone Wars, qui a créé Rebels. Il a Rebels. aussi fait Star Wars Renaissance, mais bon, ça, on peut l'oublier. Et Lando. encore, je suis même pas sûr que ce soit lui qui l'avait fait. Si, Renaissance, c'est lui. je sais pas. Attends, je C'était vais aussi regarder. Renaissance, Je sais celui-là. pas. Je Ouais, sais je crois pas. que c'est lui. Mais je crois Ah que c'est non. lui partout, en fait. Renaissance, non, c'est pas lui, je crois. C'est pas lui? Bon, attends. Bon, je te laisse regarder. C'est Non, c'est pas lui. Résistance, pardon. C'était Résistance. Résistance, oui, pardon, tu dis oui. Ouais. Oui, bah c'est lui. Star Wars Résistance, bah si, c'est lui. Ah oui, c'est ça, oui, c'est quand lui qui avait fait, oui. Bon, ok. Bon, il a arrêté ça. Ah, quoique. Oh, Mais il l'a si, si, créé créé, par mais. Dave. Ah Ouais, oui, il mais l'a est-ce qu'il l'a créé. réalisé? Ouais, c'était pas lui à la réalisation. Enfin bon, soit, c'est pas grave. Bon, Mais par bon. contre, moi j'ai pas aimé, j'ai vite arrêté, moi, Star Wars Résistance. J'ai tout regardé parce que je regarde tout de Star Wars. Mais Oui. voilà. Même les bébés là, l'école des Jedi là. Oui, j'ai regardé. T'as regardé? J'ai regardé les Baby versions Jedi, de là. 30 minutes, là. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai regardé ça. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'il y avait des personnages de la Haute République qui allaient. Parce que ça se passe aussi à la période de la Haute République. Ouais, il y a des personnages, des bouquins de la Haute République qui vont arriver dedans. Donc il y a Belle Zétifar, ouais, notamment, qui va arriver. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais, parce que je suis la Haute République. Ouais, mais moi, ça fait penser aux petits monstres, là. Les gens qui ont la culture de Tony, qui ont tout lu, tout vu. Ça se compte sur les doigts de la main. Ah oui, mais encore, hein, honnêtement, moi je me suis concentré sur les trucs qui sortent, je me suis concentré sur la Haute République. Par exemple, les deux trilogies Throne qui sont sorties dans le nouveau canon, je les ai pas lues. Je me suis renseigné dessus parce que je voulais savoir de quoi ça parlait, mais j'ai pas eu l'occasion de les lire parce qu'il y a de trop à force. Non, puis c'est après. Tu as vraiment tout vu de Star Wars. Sortir. Alors si tu me sors le holiday special, oui, je l'ai vu et j'ai eu mal au ventre. Tu l'as vu aussi Tu l'as jamais t'as vraiment et tu as vu aussi The Empire Strikes Back? Ah non, ça j'ai pas été voir non. Ah alors t'as mais je sais que vu. Ça existe. C'est en ce moment à Paris. C'est en ce moment à Paris, hein, vas-y, profites-en. Voilà. Écoute, dis que tu fais un podcast dessus, comme ça je pourrais convaincre ma femme qu'elle me laisse aller le voir. Je vous offre l'entrée les gars pour faire un podcast. C'est pour le podcast, on est obligé. vous verrez un Wookie à poil. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'a fait Filoni. Et je trouve qu'il a bien fait ça. The Bad Batch aussi, qui est très bon. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut peut-être laisser Star Wars se reposer un petit peu. Parce que Star Wars, c'est un truc où tu dois avoir régulièrement quelque chose. Mais au final, je me souviens quand j'ai vu La Revanche des Sith au cinéma, quand ça a été fini, alors j'ai eu la larme à l'œil, parce que déjà la fin était émouvante, et parce que je me suis dit, c'est la dernière fois que je vois Star Wars en fait, au cinéma. Parce que il était plus censé y en avoir. Puis au final, il y en a eu, et j'étais très content qu'il y en ait. J'ai apprécié. Il va en avoir encore là, ils en ont encore annoncé. Mais c'est ça, il y en aura encore, mais honnêtement. Quand tu vois les projets annoncés, les projets annulés, les machins, enfin tu vois l'école des Jedi de Rey, je suis pas sûr que ça m'intéresse de le voir. Que Rey, j'ai envie de mourir quand je la vois. Elle a pas non, de mais franchement, non, mais non. Je pense qu'ils vont. Tu sais, le 7, 8, 9, le 7, je crois que c'est au bout. Je crois que c'est à un moment, tu sais, elle est dans le vaisseau et elle hypnotise un Stormtrooper. Ouais. Tu vois, je me suis levé, je me suis barré. Mais c'est vraiment en mode, en fait, je suis Jedi, paf, clac, j'ai tous les pouvoirs. Quoi. Et puis elle a pas besoin d'entraînement, elle. Non, c'est ça, ça arrive tout de suite. Oui, mais c'est Lorraine qui t'en la diade dans la force, machin. Ouais. Dark Vador, t'as fallu attendre le dernier épisode pour voir son visage. Mais ouais. Kylo Ren, au 20 minutes, oh, tiens, fait chaud, tiens. T'as mis la clim, les gars, hop, j'enlève le masque, tu dis que c'est quoi cette histoire et en plus, le mec, tu dis avec ses oreilles décollées, malheureusement, tu dis, il avait pas la tête d'un méchant, en fait, il a la tête d'un poupon, le gars. Non, ouais, c'est. Enfin, c'est ce qui est insupportable depuis l'épisode 4, 5, 6, enfin la première trilogie. T'attends qu'une chose, c'est de revoir Han, Solo, Luke et Léa ensemble. Ouais. Tu ne les vois pas une seule fois ensemble. Seul truc qu'ils font, tu ne les vois pas une seule fois ensemble. Tu vois juste Léa et Han Solo. Luke, il n'est pas avec eux. Il se fait dégager l'épisode 8. Mm-hmm. Marc et Amine, d'ailleurs, il n'a pas apprécié. Là, non, il s'en est parmi. Hein. Mais surtout qu'il apparaît pas grand temps quand tu regardes. Le truc que t'attends. Du chronomètre, il n'est pas là tout le temps. Le truc que t'attends depuis plusieurs décennies, que les fans attendaient depuis plusieurs décennies, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Non, parce qu'en fait, ce que nous, on voulait voir, enfin, en tout cas, moi, ce que j'aurais voulu voir, c'était l'école, l'Académie Jedi de Luke. Tu vois Tu le vois, mais c'est histoire vite fait. Quoi. Oui, c'est ça. Quoi. Mais en fait, tu le vois en mode, en fait, c'était une connerie. Bah ouais, mais en fait, non, nous, on veut le voir, tu vois. Enfin. Honnêtement, je pense que ce qui a été fait dans l'ancien univers étendu, il y avait des choses extrêmement bonnes à aller chercher là-bas. Je pense l'invasion des Uzenvong qui est super intéressante. Il y avait tellement de trucs à faire. Ne serait-ce que même les bouquins qu'ils ont sortis, comment ils appelaient ça ? C'est la chute de l'Empire ou je sais plus quoi, les trois bouquins qui sont sortis vraiment juste après. Regarder. On voit notamment C'est sorti après ? Ouais, c'est vraiment trois bouquins qui sont sortis dans les premiers. C'était Road to tout l'épisode 7 ou je sais plus quoi. C'est des BD ou des bouquins ? C'est des bouquins. C'est des bouquins. Et c'est sorti après les épisodes ? C'est sorti après 7, 8, après le 7 en fait. Je vais regarder. Et en fait, ça t'explique le plan de contingence de l'empereur. Et en fait c'est super intéressant et pour moi ils auraient pu adapter ça en fait dans dans des films. Oh, voilà, c'est ça. C'est le premier, c'est Riposte et c'est La Chute de l'Empire. Oui, justement, j'allais le dire, je suis dessus. Ouais, c'est Chuck Wendig qui a fait ça. Honnêtement, si vous voulez lire une bonne suite et qui est canon, allez lire ça. Franchement, c'est super intéressant. En gros, c'est vraiment, ça prend de la destruction de l'étoile noire, de l'étoile de la mort, jusqu'à la bataille de Jakku. C'est assez intéressant et ça explique vraiment comment le premier ordre est parti, enfin les prémices en fait du premier ordre. Ça explique les prémices de la Nouvelle République, etc. Enfin, honnêtement, j'ai vraiment adoré. Et ça, par exemple, ça me choquerait pas en fait qu'on se retrouve avec ça en film, par exemple. Ça aurait été intéressant. Mais ce qu'ils ont fait là, en mode, ouais, on reste sur Skywalker à mort, En fait, le problème, c'est c'est dommage, quoi. que ça aurait été J.J. Abrams qui aurait fait les trois films, je Ça pense que ça aussi, aurait ouais. été mieux. Ça aussi. Parce que l'autre, quand il est arrivé au huitième, c'était je vais Bah, il a foutre la voulu merde. casser ce Hein. qu'Abraham s'avait fait, en fait. Hein. Ben voilà. Ça qui est Et je dommage. suis convaincu que Snoke, c'était pas l'empereur. Ah, bien sûr que non. C'est certain. Il a dû rattraper le truc. Comment on fait à l'épisode 9 ben, on fait revenir Mais, l'empereur. mais en plus, tu le fais revenir en C'est mode le « Ah, Taika on a un pont Waititi de Star Wars, en fait. C'est ça que vous voulez dire, les gars. Un !» peu. Ouais. Non, J.J. Abrams, je pense qu'il aurait fait un truc pas trop mal. Moi, ouais, je pense. Parce que c'est un Franchement, fan Star Wars. oui, Abrams, oui, c'est un de grand Star fan de Trek et Star de Wars. Star Wars, ouais. Non, Star Trek. non, c'est un J.J. Abrams, j'aime beaucoup ce qu'il fait en général. Oh Et oui. l'épisode 9, il avait tourné. Il voulait, j'espère qu'un jour ça sortira parce qu'il y a matière pour faire deux films de 2 heures. Et Disney n'a pas voulu. Ça serait bien un film sur Poe Dameron. Ah, pas sûr. Oh, si, moi, j'aimerais bien. Oh non. Je suis. À la Non, non, limite. faut faire autre chose, faut faire autre Non, mais chose. je pense qu'il faut se retirer de ça, en fait. Il faut comme disait Olivier, je pense qu'il faut qu'ils aillent explorer d'autres périodes, d'autres endroits. Il y a tellement de choses à faire. Ne serait-ce que même s'ils voulaient rester dans les périodes connues, enfin, l'Empire a quand même régné pendant quelques années. Il y a tellement de choses à aller voir là-dedans. Ne serait-ce que comment l'Empire a pris possession de certaines planètes. Il y a le bouquin, notamment le bouquin Ahsoka, où on voit en fait Ahsoka qui arrive sur une planète. Et en fait, l'Empire arrive sur cette planète-là. Et donc, ça explique comment l'Empire prend possession de la planète et tout ça. Je trouvais ça Bah, vraiment. là, ça pourrait être pas mal. Là. Regarde, à la fin du 8, l'épisode 8, Thrawn, il retourne sur la galaxie. Tu te dis, bah, il n'y a pas Ahsoka, donc comment ils vont faire aussi pour que Ouais, je pense. l'Empire relève? Ça peut Honnêtement, être sympa, là, ce qu'il va à prévoir. Tu vois, et tu vois, je c'est ce pense que je que. citais tout à l'heure, c'est que je Ouais. suis curieux de voir, parce que j'ai pas l'impression que ça va être une redite de ce qu'on a vécu ou connu. C'est est-ce que, par exemple. Il va vouloir réveiller l'Empire, et puis du coup, qui va intervenir pour éviter Ezra, mais Ezra, est-ce qu'il va chercher Mando? Est-ce qu'il va, tu vois? Tu sais pas, Ouais, enfin, je je trouve pense ça qu'il y a moyen de intéressant. faire des trucs sympas, ouais. Voilà, je pense qu'on n'est pas, on est sur un. Comme tu disais tout à l'heure, bah, j'aimerais bien que l'Empire, on voit l'Empire aller sur une planète et l'envahir, entre guillemets, ce que tu disais. Bah, là, c'est plutôt pas mal, c'est qu'on va voir quelqu'un qui va essayer de faire renaître l'Empire, ça peut changer. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu quelque chose, c'est soit il y avait la République, soit il y avait l'Empire. En fait, Pas sur ils une peuvent position. partir sur une suite avec ces personnages, mais il faut absolument qu'ils arrêtent de systématiquement créer des liens avec ce qui a été fait avant. Enfin, toi, tu peux T'as faire l'impression qu'ils veulent faire du une Marvel en nouvelle fait. histoire avec Ahsoka, Oh, c'est voilà. ce qu'on a dit la dernière fois, Mandoverse, ils veulent faire du Ouais. Marvel. Tu vas Ouais, non, avoir mais les Avengers de Star Wars. Hein. Tu ouais, prends c'est ces ça. Bah, personnages-là, c'est pourquoi le pas, avec fameux Thrawn, film, mais ouais, tu c'est fais ce qui une va autre arriver. histoire. Tu ne parles plus du passé ou tu fais un truc vraiment centré sur eux, quoi. Juste après, la prochaine série, c'est Skeleton Crew, en fait, t'as raison. Oui. Mais ça se passe à quel moment? C'est aussi à peu près pendant cette période-là. De toute Et façon, on va revoir du Jedi aussi normalement. Je sais T'as qu'il raison, joue, je crois qu'il Benji. y a Jude Law dans le. Oui, jeu de l'eau, oui. Et qui devrait jouer un Jedi de ce que j'ai compris, mais c'est pas sûr. D'accord. Ouais, c'est bien Jude Law, c'est sympa. Ah oui, Jude Law, Cool. c'est un très bon acteur. Mais en Il y a fait, quoi? ça va être un film un peu. Enfin, ça va être une série un peu comme les Goonies, en fait. Ça va être des enfants qui vont faire des aventures et puis il y aura lui qui sera là pour les Et chapeauter un petit peu, en fait. ça peut être vraiment génial, quoi, Ça si c'est bien pourrait fait. être génial. Honnêtement, s'ils n'essayent pas encore une fois de raccrocher ça à l'existant, ça peut être Exactement. S'ils font super. un truc à part, peut être une tuerie. Bah, faut pas qu'ils fassent la garderie non plus, quoi. Non, mais t'imagines, ils font un. En fait, Les je pense qu'ils vont faire un enfants, Stranger venez. Things à la Star Wars, quoi, tu vois. Ouais. Oui, Ah, ça forme un pourrait jersey marcher aussi. aussi, ouais. Ouais, Stranger Things, c'est bien inspiré des Goonies aussi, donc. Oui, c'est vrai. Suis en train de regarder. Les prochaines séries, c'est Skeleton Crew. Attends, hop. Et je crois qu'après, il n'y a plus rien de planifié, hein. Attends. Andor reviendra. Non, Andor qui revient dans une saison 2. Mais bon, ah oui, c'est vrai, ça, ouais, c'est ça, juste, je suis ouais. content. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'ils vont arriver, ils veulent arriver mais juste c'est pas à la suite. The Acolyte. The Acolyte, c'est, ça se passe pendant la Haute République. Ouais, pour la menace fantôme. Non, c'est pas la menace fantôme. Ah non, un siècle avant. Ouais, c'est un siècle avant, ouais. Donc c'est normalement, là, ça commence à être la fin de la Haute République. Mandalorian saison 4. Lando, je sais pas si ça va avoir lieu. Il n'y a plus rien, en fait. T'as plus rien. Lando, c'est signé, je crois. Ouais. Ok. T'as plus rien. Je crois que c'est confirmé, ouais. Oui, c'est confirmé. T'as Skeleton Crew. Ça fait déjà pas mal, hein. Et Mando, bah t'as fait que deux. Bah, ouais, honnêtement, j'aimerais bien une saison 2 de. Il y a le film aussi, hein. Il y a le film de Filoni pour terminer le Mandoverse, entre guillemets. Ouais, enfin. C'est pas le film à écrire, rassure-moi. Non, ce sera un film justement sur Throne, etc. Quoi. Ouais, mais non, Mando, faut pas arrêter, c'est bien. Bah c'est ouais, bien. Faut pas non plus tirer en longueur, quoi. Je te vois mal faire 10 saisons sur Mando et gros. Oui, coup, et puis bon. Surtout que si, voilà, ils ont fait une pseudo-fin. Pascal en a peut-être marre aussi. Dans la saison 3, l'épisode fin où tu te dis, voilà, au cas où ça se termine. Honnêtement, c'est terminé, ça me semblait bien, la fin de la saison 3 de Mando. Il a terminé comme ça, puis il y avait Ahsoka qui arrivait. Et puis après, bon, bah, Throne qui revient, ok, on va rechercher Mando et quelques copains lui pour. Non, mais ils vont refaire une saison si c'est la seule. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils vont refaire une saison, ouais. Je viens de voir un truc, ça va pas vous plaire. Un film Star Wars confié à Taika Waititi. Non, c'est annulé, ça. C'est annulé, hein, celui-là. Je sais pas, l'article date d'il y a 5 jours. Ah. Non, normalement, je croyais qu'il était annulé, ce film. Depuis le beat de Thor, il a été viré. Bah non, mise à jour le 7 octobre 2023. Non. Bah, il a fait rembaucher, alors il s'est en arrière. Sur les pas entendu. Ouais. Bon, après, peut-être que t'as raison, je sais pas. Écoute, j'ai envie de passer un bon week-end, je vais faire comme si j'avais pas entendu ça. D'accord. Tu m'en veux pas. Moi, je vais passer un bon week-end, je vais être avec Olivier dimanche. Oui. Ouais. Bon, alors les gars, théorie, qu'est-ce qui va se passer après? Bon, il y a pas grande série après, à part Skeleton Crew et Mando. Il n'y en a pas d'autres de prévu. Bon, moi, je vois bien soit une saison 2 à Ahsoka avec. Alors, j'ai regardé, elle est hypothétique. Hein, ouais, c'est ça. Elle est pas encore prévue. Elle n'est même pas commandée. Je verrais bien soit une saison 2 comme ça avec d'un côté ce qui se passe sur Peridea en mode on retrouve un peu les origines de la force etc équilibre etc avec le père, la fille et le fils et puis de l'autre côté comment s'organise la galaxie Star Wars et notamment la Nouvelle République face à Throne qui revient. Après il faut pas non plus Throne y revient, pour l'instant le mec il a peut-être 500 stormtroopers et un super destroyer. Oublie pas qu'il a un chargement. Et oui, voilà, c'est ça. Mais ça m'intéresse, tu vois. Mais bon, t'imagines en vrai. T'imagines, c'est les tout premiers Jedi de la planète. Ça genre pourrait être... Ouais, ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être pas mal. Et qu'elles vont ressusciter. Oh, t'imagines bah, le truc, c'est que les Sœurs de la Nuit ont des pouvoirs assez importants, donc ouais, ça pourrait arriver. Ouais. Parce qu'elles ont déjà ressuscité un Jedi. Un série de zombies, là, celui que tu as dit, Sion. Ah, ouais. Maroc. Oui, Maroc, pardon. Mais du coup, tu vois, ils peuvent, hein. Ouais, ça pourrait le faire. Ouais. Jedi, vu que c'est la planète d'originaire. Donc, originelle, pardon. Peut-être que c'est ça. Hein. On verra. Ça pourrait marcher aussi, ouais. Mais par contre, je sais pas. Le film, il n'est pas prévu tout de suite. Pas du tout, même. Non, pour l'instant, il n'y a pas de date, hein, y a rien. Non. Puis t'as Mando. Et t'as Skeleton Crew. Je sais pas à quel moment on va revoir Throne. Hein. Honnêtement. Ou Ezra. Ouais, en fait, j'espère qu'ils vont pas traîner le truc pendant 10 ans où ils vont dire ah, ça va arriver, et puis au final ils vont l'annuler. Enfin, honnêtement, c'est des personnages qui sont. Enfin, Throne surtout, c'est un personnage qui est tellement important qu'ils doivent finir son arc narratif. J'aurais du mal à imaginer qu'ils le finissent pas en fait. Je verrais bien une nouvelle série de films ou de séries avec lui en méchant, tu vois, avec un pseudo nouvel empire. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, comme dans tu les dis, qui laisse tomber les liens avec ce qui s'est passé, ou voilà quoi, c'est qu'il fasse un truc concentré sur les personnages. Et puis. Comme dans les premiers livres de Timothy Zahn, où c'était vraiment lui l'héritier de l'Empire. Et, voilà. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. C'est vrai qu'il l'a appelé l'héritier de l'Empire. Ouais, tout à fait. Je te le dis. Et en fait, le premier livre de Timothy Zahn, c'était ça, c'était le nom, c'était l'héritier de l'Empire, et c'est comme ça que Throne avait été présenté en fait. Quand je les avais lus ces livres-là et j'avais un goût amer quand même parce que je m'étais dit ça veut dire qu'il n'y aura jamais de suite au cinéma. Oui, c'est vrai, oui. Bah c'est le problème des bouquins comme ça quand ils sont centrés sur certains personnages. T'es pas sûr. Et je me suis dit on ne reverra plus jamais Luke et Han Solo au cinéma. Oui, mais ça introduit Mara Jade. Ah oui, Hey. j'aimerais bien la voir. Moi aussi. Elle, j'aimerais bien la voir sur grand écran. Ouais. Je sais pas C'est qui c'est, incroyable. mais je vous crois. La femme de C'est Luc. la femme de Luc. Ah, il y a une femme! Tape Marajad sur Google Images. Mara, M-A-J-A. Cosplay. Marajad, cosplay. Eh, hey, mais c'est ma femme! Marajad cosplay. Alors attends. Ah ouais! En fait, Ah c'était ouais. Mais elle une apparaît où, elle? dans l'héritier de l'Empire notamment. En fait, c'est une assassin slash espionne qui est à la solde de Palpatine. Et en fait, une fois qu'il est mort, elle travaille pour Throne un moment, je pense. Hein. Et puis après, elle Elle a un commence à petit bien côté s'entendre avec lui. Spider-Gwen pour ceux qui regardent Un peu, oui. Marvel. Oui, C'est un beau côté Spider-Gwen avec un aussi. sapin vert. Mais attends. Côté un peu Black Widow aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà. Elle est mi-Black Widow. Ouais. Que Bon, du ouais, ça beau. valide. Et il s'est marié avec elle? Et il a eu D'accord. des enfants dans l'ancien univers étendu. Luc avait des enfants. Bah, tu vois, faire un nouveau film sur les enfants de Luc sans revoir Luc, ça pourrait être Non, sympa. non, non, non, moi je veux bien un film sur Marajad, moi. Ça y est, c'est son nouveau personnage préféré. Voilà, hop. Ou une série carrément, en Ah 10 oui, saisons. série, je valide. Voilà, Marajad. Alors, pour ceux qui veulent regarder sur Google, c'est Mara, M-A-R-A, et Jade comme le bijou, là, Jade. Voilà. Bon, ok. Bon, bah écoute. Mais bon. À quel moment on va le revoir? Je pense que ça va être par Mando. Je vois pas à quel moment on pourrait le revoir ce rôle, en tout cas. On va pas. Ouais, c'est vrai que la saison 4 À de court Mando terme. pourrait faire l'arrivée de Mando dans la galaxie, de Thrawn dans la galaxie, et puis ouais, Il y a les ça pourrait faire Mandaloriens qui aussi. arrivent. Ouais, et les Mandaloriens qui se font attaquer en première. Parce Ça que peut, je ça peut. crois que la cible, quand il le dit, hein, il voyage directement vers Dathomir, je pense. Hein. Ouais. C'est ça, Oui, hein, de toute il façon, leur ils faut. vont directement là-bas. Ouais, c'est ça. Pour Donc, ça, je dis, ça se trouve que c'est des corps, genre des premiers Jedi ou d'autres ouais, ça pourrait, sorcières hein, ouais, ça pourrait. qui réveillent. Voilà. Bon, un peu comme Marvel, à Marvel, on fait des théories. Voilà. Bon, bah merci les gars. De C'était rien. sympa. Oh, je vois bien de parler de Star Wars. Ça Oui. va, Tony, on n'a pas dit trop de bêtises, écolier. Non, ça va, ça allait. Ça allait, ça Ça va. allait, c'était. Il a pas dit c'était Non, bien. non, non, C'était. c'était bien, c'était très On a bien, dû les gars. dire deux, trois trucs quand même. Ouais. Non, non, ça va, c'était bien. Tu voulais nous corriger, apparemment. Qu'est-ce qu'on a dit de bêtises la première Non, fois? non, là, j'ai. Ah, la. Oh, Vas-y, j'avoue corrige-nous, on a dit plein de bêtises. que. Attends, je vais chercher mon fouet. Non, mais en fait, il y avait un ou deux trucs que vous reveniez plus sur les noms et que j'aurais pu vous aider, quoi. Mais Ah ouais, bon, ça va, sinon, vous ça n'avez va pas dit de déjà. conneries. En soi, il n'y a pas de Bon, bah, ça conneries. va. Mais c'est surtout, il y avait des là, j'ai dit, oh, mais non, mais ça, les gars, le nom, allez. J'étais vraiment en train de vous parler dans ma En voiture quand j'ai plus, écouté quand le j'ai podcast. cherché Datomir, on va se faire enculer par. Ouais. Ah ouais, là, des fois, quand t'as des trous de mémoire, c'est pas. Ouais. Mais ça m'arrive aussi, hein. Pas Parce me que des fois, contre. tu as un nom et puis. Pouf. Des fois, Ouais, c'est ça, quoi. tu connais le nom, comme moi, je disais tout à l'heure, Anakin. Je me suis dit, pourquoi j'avais Obi-Wan en tête, je sais même pas. Voilà. Alors, petit moment actu, Tony. Vas-y, aimez Oui, ça? mais ça, donc là, prochain épisode le 18 octobre, qui parlera du coup du meeting Disney qu'on a été faire avec Ah, ça Marie. c'est bien, ça, j'ai hâte. Donc voilà, on va un peu parler de ça, expliquer comment ça s'est passé. Et puis même petite exclu, l'épisode d'après, normalement on parlera des 100 ans de la Walt Disney Company, puisque ça a lieu le 16 octobre. 16 octobre. Et donc on parlera de ça dans l'épisode d'après. Tu vas y Voilà, aller, voilà. toi, Olivier, à Disneyland Paris au Le 16 moment? octobre, oui, ça y est, oui, j'ai posé ma Oui, journée, j'y vais. c'est notre envoyé spécial à Disneyland D'accord. Paris. T'as En fait, prévu tu de dormir vois. dans les toilettes la veille, non ou pas? Oui, je pourrais, ouais, parce que je te vois Parce juste la veille, ouais, effectivement. que... Ah ouais, c'est dans. Oh Mais là, en c'est fait, lundi on a des prochain. envoyés spéciaux. On a Marie qui part en Californie, on a Olivier qui va à Disneyland Paris. Moi, je vais travailler. Donc, Voilà, envoyés spéciaux. chacun son Aimez rôle, ça. hein. Voilà, exactement. Et est-ce que tu es vacances ou à Disney, toi, Tony? Je sais pas. Moi, normalement, là, j'y vais la semaine du 23 octobre. Enfin, j'y vais D'accord. le dimanche 22, je crois, si je me souviens bien. D'accord. Bon, moi, je serai à l'île de Malte. Je penserai à vous. Ah, c'est bien aussi, hein. Ah, c'est pas Ouais, mal. gérer. Bon, Olivier, petite actu. Mani alors, attends, mes filles sont pas Ouais. là, parce que je sais que plus grande fan. Je me paye en boucle ta vidéo après celle sur du 4 mai. Je me paye en boucle Halloween. Merci. J'aime beaucoup Halloween, mais là. La dernière là sur les décos d'Halloween, ouais. Oui, je l'ai en boucle. Ça change de Star Wars. Oui, bah oui, bon après c'est bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Tu parles pas beaucoup dans celle-là. Bah non, parce que c'était très contemplatif. C'était bien. Je filmais les décos, en fait, la beauté du. En plus, j'ai eu de la chance, il y avait une lumière exceptionnelle ce matin-là. Donc, j'avais envie d'essayer de la musique et pas gâcher le paysage par ma voix. Donc voilà. Il est aussi reporter aussi pour MSA avec la chaîne. Oui, vous pouvez me retrouver avec Tony aussi, oui, sur le podcast MSA. D'MSA, effectivement, on le retrouve partout. Cet homme est occupé. Il est partout. Il est partout, cet homme. Olivier est partout. Voilà. En tout cas, merci les gars. 2 heures, merci comme, à non, toi. 1h30 à peu près. Oh, ouais. De rien. Et la semaine prochaine, on sera. Alors, attention, Tony. L'Orcana. Voilà. Pour notre passion. Ah, pour notre passion, l'Orcana. Star Wars et l'Orcana. Et après, bah, ça va être les jeux de cartes Star Wars, du coup. Alors, du coup. Ouais, je vais peut-être pas craquer sur les jeux de cartes Star Wars parce que là, ça va devenir. Ah, Mathieu va nous en parler normalement. Donc, Ouais, mais je vais essayer de pas craquer parce que là, le budget il va plus suivre. Hein. Déjà, l'Orcana. Ah, ouais. Ouais, un budget. Il a réussi à m'avoir 3 boosters. Oh, le petit vénère. L'Orcana. Bah, il n'y a plus de stock nulle part. Hein. Après, il y a les reprints qui arrivent. Hein. Ouais, on en parlera dans le prochain épisode. Oui. On va pas déjà mais le il faire. A quand même eu 3. Il m'a dit, Benji, j'ai pour toi 3 boosters. Oh ah, c'est déjà mon cool. Précieux, c'est mon précieux. mon précieux. Tu dis, je l'ai, c'est bon. Voilà. Et parce qu'on était à une convention qui s'appelait la Ponto Geek à Pont-Audemer, en Normandie. Et il y avait. Lui, il vendait que des jeux de cartes et certains jeux de société. Il y avait pas mal de stands qui vendaient des cartes Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et du coup, et il y avait un stand qui vendait, eux, des cartes Lorcana à l'unité. Ah oui, oui. Elles sont chères. Hein. Ça dépendait lesquelles, ouais, mais il y avait. Ouais, c'est ça. Mais le problème de Lorcana, c'est qu'en fait, c'est un jeu de cartes bah, qui marche bien, comme du Magic ou des trucs comme ça. Donc, bah, déjà, il y a la valeur des cartes par rapport à ce qu'elles sont jouées. Et après, il y a des cartes qui ont des valeurs insane, alors qu'en fait elles sont pas géniales, mais, non, mais parce que c'était le personnage que je dois dessus, avoir trois fois 60 balles. En fait, c'est parce que c'est des personnages qui sont plus genre les Stitch, ils cotent super haut pour rien, quoi. Donc, quand on veut un pour mettre dans ton deck pour jouer le jeu et pas juste faire la collection, c'est plus compliqué. Mais bon, le jeu est quand même cool. Je vous le conseille. Bon, bah écoute. En tout cas, merci beaucoup. On enregistre la semaine prochaine sur l'Orcana et Loki. Alors les gars, on fait les deux d'un coup. Voilà. Donc, j'ai posé congé le lendemain. Vous avez intérêt. Bah, Loki, j'ai pas encore commencé. Il faut absolument que je commence. Ça va, t'en auras deux à voir. Oh, t'en auras deux, oui, ça va encore. Trois. Non, deux. Ah non, trois. T'en as passé qu'un. Il y en a qu'un pour l'instant de passer. Donc, ah, il y en a qu'un. On est mercredi aujourd'hui. Bah, ça sort le vendredi. Jeudi, là. Non, on est jeudi. Ah putain. Deux, ça sort demain. Demain matin. Je le verrai vendredi, demain matin à 7h du mat. D'accord. Ouais. Tu vois comme quoi je suis vachement à jour. Donc j'aurais vu les deux premiers du coup. Au moins, il faut que nous on les ait vus pour qu'on puisse en parler. Quoi. Parce que si toi tu les as pas vus, c'est compliqué. Non, j'ai prévu de les voir ce week-end. Mais en vrai, quand je regarde une série Marvel, il faut vraiment que je sois conditionné. C'est-à-dire que c'est la tisane, c'est le carnet de notes et c'est assis sur le canapé avec un pot. Voilà. Ah ouais. Et le chat. Sur les genoux, voilà. Ou des fois à droite. Voilà. Mais c'est l'organisation. C'est... Hein. Ah oui, mais c'est c'est vraiment organisé, voilà. Donc, non, je déconne. Non, je regarde. Non, mais en tout cas, j'ai hâte de voir parce que j'ai reçu des messages de personnes qui nous suivent, qui m'ont envoyé, qu'est-ce qu'on a pensé du premier épisode, machin. Il y en a un qui m'a balancé un truc sur putain. Ah non. Je crois qu'il va se oh. Mais il a pas fait exprès. Je l'ai pas vu. Ouais. Et... C'est dommage qu'il meure, mais bon, c'est pas grave. Il est déjà mort, normalement. Ouais, mais pour de vrai, cette fois-ci. Ouais, et puis en plus, revoir Thor en kilt, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est. Ça devait leur coûter cher à Chris Hemsworth. Il a été réalisé par Taika Waititi, là, je sais pas. C'est sur ton épisode. Non, j'ai pas vu, sans faire exprès, il m'a spoilé un truc, je pense. Donc, ah, dommage. Ah, mais j'ai pas vu, c'est pas grave, t'inquiète. Je pense qu'il y a le temps. Mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, merci les gars pour ce 23e épisode, le 24e épisode. Merci à toi. L'Orcana. De rien. Sur l'Orcana, donc j'ai hâte. Alors, plus Tony, peut-être, que c'est son jeu de prédilection. Tu pourras parler de l'Orcana, ta passion. T'as commencé des tournois ou t'as pas. Ouais, j'ai fait deux petits tournois là, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire plus parce que malheureusement ça tombe alors soit le vendredi soir quand je suis pas dispo ou le samedi quand la petite est à la danse. Donc il y a du monde ou pas? Ouais, là j'en avais fait alors moi c'est les petits tournois dans les Non magasins, mais donc ouais, mais c'est les petits d'accord, c'est magasins. On était je pense une dizaine pour le premier et le deuxième que j'ai fait une quinzaine quand même. d'accord. Oh, bah c'est Et bien. c'est vraiment un petit magasin, hein, donc c'est Ouais, mais un bon, petit tu te fais magasin de jeux de 15 société de fans. quartier, quoi. Donc, Ouais. et Oui, bah moi c'est pareil, c'est un tout petit magasin. t'as fait des tournois toi aussi ou pas, Olivier? Non, j'ai pas fait de tournoi, j'ai pas pu y aller. Mais enfin, Après, tu vois, si je regarder, viens, je ça me dérangerait raconterai. Mais pas. moi j'ai eu une chance pas croyable, hein, j'ai eu des boosters, Oui, c'est vrai que t'en as après trouvé le lancement, tard, parce qu'en entre fait guillemets, le toi. Hein. vendeur était parti en vacances, le magasin, et le jour même où il a rouvert. J'ai foncé au magasin, il n'y avait pas grand monde, donc j'ai eu des boosters, j'ai eu ce que je voulais, en fait. Ah, c'est J'étais cool. à la Fnac, moi, il n'y a pas longtemps. Je leur ai dit, bon, à tout hasard, vous en avez ou pas? Et le gars, il rigole et il me dit, j'en ai eu le jour de l'ouverture, le jour de la vente. Je fais, ah oui, combien? 5 boosters. Mon Dieu, pour une Je rigolais, Fnac. vous êtes une Fnac. Il me fait, oui, non, mais il m'a dit, on a reçu 5 boosters. C'est abusé. Et Clément, lui, à la sortie, Clément, Mathieu, pardon. Mathieu, à la sortie, il m'a dit, 40 displays, il a eu. Ouais, le magasin où j'ai été aussi, ils ont un peu connu 40 ça. displays, Ouais. et il me disait que lui, il prend pas de précommande parce que, il m'a dit, le problème des précommandes, c'est que tu sais pas combien tu vas en avoir. Par exemple, tu vas ouvrir en précommande. Tu auras 100 personnes qui vont précommander, mais tu n'auras que 40. Ouais, mais en Bah, fait, c'est-à-dire que normalement. 60 personnes t'auront payé pour rien et tu seras obligé de rembourser. Normalement, avant d'ouvrir les précommandes, enfin, en tout cas, moi où je vais, c'est comme ça qu'il fait, c'est que avant d'ouvrir les précommandes, en fait, ils ont leurs allocations de stock. Là, normalement, ils devraient les avoir là pour la mi-octobre. Le chapitre 2 sort mi-novembre. Et normalement, les allocations de stock devraient être faites pour mi-octobre. Et après, seulement, ils vont ouvrir les préco. Il y a deux decks de démarrage. Deux decks de démarrage. Là, il va y Il y a avoir une combien de nouvelles box. cartes? Il y a 204 cartes encore. En fait, on fait le nouveau podcast, là. C'est vrai qu'on est en train Non, de. non, mais c'est pour donner un avant-goût. Il y a 204 Un cartes et teaser. il y a Ouais. une gift box avec des cartes spéciales pour les 100 ans de la Walt Disney Company. D'accord. Ce seront des cartes avec un peu le même design que les cartes Rise of the enchantées. Floatborn. Rise of the Floatborn, oui. Qui est donc un type de carte, en fait, qui sont les cartes qui ont des haltères dans le jeu, si vous connaissez le jeu. Ouais. J'ai vu qu'il y a Gaston. Enfin, j'ai pas fait gaffe. J'ai dû voir qu'il y a Gaston sur le deck. Ouais, et il y a Bon. Winnie l'ourson aussi, Ah ouais, malheureusement. j'allais te dire. Ouais, je Oui, sais. en sorcier. Ouais. Bah, ils peuvent Ouais, pas tout faire bien du premier coup, hein. bah attends. Moi, mes filles, elles sont fans de Stitch, si tu veux. Ah bah là, Pierre. elles ont. Il y en a un paquet là. Hein, dans... Non, c'est bon. Et Stitch. Oh, hey. Tiens, c'est bon, ras-le-bol. La mienne aussi, elle est fan de Stitch. Oh ouais, non, mais c'est bon. Stitch, j'en ai bouffé. Hein. Et puis quand il ajoute, tiens, voilà ton Stitch. Bam! Tiens, c'est bon. Hey. Ouais, ça. Il est en train de sécher, je vais le sortir. Non, non. On va granger vos Stitch. Puis là, on a une carte rare de Stitch, là. Oh, mon Dieu, c'était. Même pas rare, je sais plus, c'est celle où il fait la guitare, là, le halter. Ah oui. Oh, Ouais, pour c'est la. une rare, celle-là, au moins une super rare. Je sais plus. Ouais, je crois, en foil en plus. Donc ah, regarde, en foil. Voilà. Bref, on s'avance un peu, mais bon, c'était pour un avant-goût. Oui, voilà. C'est pour vous donner envie d'écouter le prochain. Voilà. Et puis prochain, voilà. Il y aura Mathieu qui nous racontera ses mésaventures ou ses aventures dans sa boutique quand il a ouvert le jour de la sortie. Ça peut être sympa. Voilà. Compliqué, ouais. Ouais. Je viens de voir la photo, c'est Winnie l'ourson, sorcier au miel. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Je pense que je vais Sorcier. arrêter le jeu. J'ai fait le premier chapitre. Je vais pas faire le 2, je pense. Voilà. Et attends, là je vois une autre photo, c'est Elsa sur son cheval. Et c'est Ah oui, c'est marqué vrai, Elsa sans gants. Je regarde, effectivement, elle n'a pas de gants. ouais. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a Pourquoi il fait Winnie sans croque-top? Attends, je regarde s'il y a un croque-top. Bah Non, il est non. en. Non, il a une. Non, il a Il a une une complète, je crois. cape violette comme Doctor Strange. D'accord. Ouais, c'est ça. Et il a un bâton avec une Du ruche au miel qui bout. Ou coule, ouais. voilà, c'est ça. Donc c'est un sorcier au miel. Voilà. Eh, pas. Putain, par contre, il faut 5 ancres pour l'avoir. En plus, Ça. c'est un 5-5 avec 2 de l'or, c'est pas. Ouais. On a mieux, quoi. On a Par mieux. contre, la carte de Belle en archère. Oh Ah, elle est trop belle, hein. ouais. Elle est Jacques incroyable. Bell est belle de base. Je ne suis pas spoilé encore. Mais celle-là, c'est une légendaire déjà, donc ça va être compliqué de l'avoir. Ouais. Bon. Ah non, il y a un autre de Winnie. Où il est ouais, coincé il est dans un coincé dans trou. un arbre, oui. Ouais. Ok. Et il y a Petit Gourou et Tigrou. Oh, ouais. Ça va être bien. Oh, pas mal. Oh, Robin des Bois. Oh, il est trop beau celui-là. Ah oui, en archer Ouais. en gris là. Oh, ouais, en gris. Oh la Ouais, vache, il est très très bien. classe. En plus, elle est pas mal niveau capacité, elle est cool. Bon, on en parlera. Ok. Oui. Merci les copains. Bonne nuit, parce qu'il est Merci à tard. toi. Hein, Oui, c'est vrai. 23h30. Ah oui, j'avais Ouais. pas vu là. Ouais, Ouais, mais il il est commencera tard. plus tôt la prochaine fois, il commencera à Ça va 20h. alors. On n'aura vraiment qu'une heure, parce que pour Mathieu. Mais Ouais, je suis du coup, on va essayer d'aller vite. Sans leur canard, je pense pas qu'on puisse en parler pendant des heures. Donc, même si on Bon, bah pourra si. rester. Ah, Si attends, c'est ne vrai, me lance pas j'avoue. le défi. Bon, alors, du Tiens, coup, on je peut en parler préviens. très Alexandre, longtemps. venez à 20h30, à 21h30 pour parler de Loki. Bon, après, on aura que deux épisodes de Loki aussi, donc Oui, ça ira plus vite déjà, je ça pense. ira plus vite déjà. Voilà. Merci les gars, à bientôt. Merci Et beaucoup, à à bientôt. Bon bientôt. courage pour vos podcasts et vos chaînes. Bye. Merci. Merci. Ciao, ciao.